Qu'aujourd'hui, au niveau des températures 20 à 27 degrés, cette sensation de temps lourd, de forts orages qui sont à nouveau à craindre. Notez que mercredi, une masse d'air va bouger un peu et il fera plus frais. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. 3 morts, 9 blessés, dont certains dans un état grave. C'est le bilan de l'accident de train hier soir à Saint-Georges-sur-Meuse entre un train voyageur et un train marchandise. Le roi était sur place cet après-midi. Sur les causes de l'accident, pas d'explication jusqu'ici, mais le ministre Belot explique que tout est mis en œuvre pour expliquer ce drame. 4 enquêtes qui sont en cours, celle qui est menée par le parquet, celle qui est menée par l'organe d'enquête du SPF Mobilité, et bien entendu par Infrabel et la SNCB qui collaborent à la recherche des causes. Plusieurs enquêtes en cours donc, mais toujours pas d'explication à l'heure actuelle. Les orages, vous venez de l'entendre, ont refait leur apparition à Verviers, à Dizon, à Durbuy. Les pompiers sont submergés d'appels, de gros grelons ont fait aussi pas mal de dégâts et l'orage arrive dans l'ouest du pays. La maltraitance chez les enfants, pas assez dénoncée. Les médecins apparemment ne connaissent pas encore assez les façons de faire part de leurs doutes aux associations qui travaillent dans le domaine. Le Centre fédéral de l'expertise des soins de santé propose d'augmenter les budgets d'SOS Enfants. Nous verrons pourquoi c'est important. Un attentat déjoué en France. Les autorités ukrainiennes annoncent qu'elles ont arrêté un homme de 25 ans qui s'apprêtait à commettre plusieurs attentats pendant l'Euro. Le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Le roi, le premier ministre, le ministre président de la région Wallonne, le gouverneur de la province, le ministre était à Metz cet après-midi. Oui, pour rendre hommage aux secouristes intervenus hier soir à Saint-Georges-sur-Meuse sur les lieux de l'accident de train qui a fait 3 victimes et 9 blessés. 5 blessés sont toujours hospitalisés, certains dans un état grave, on y reviendra. Mais d'abord, François Brébant, racontez-nous, le roi s'est-il approché des responsables politiques des lieux de cet accident? Voilà, alors pour l'instant, je me trouve de l'autre côté de la Meuse, en face du lieu de l'accident. Ce que je vois, ce sont 2 wagons écrasés et 4 wagons de voyageurs intacts. Le morceau du train de marchandises qui était en état de rouler est parti il y a environ une heure. Alors, d'après des informations reçues d'Infrabel, les restes accidentés des 2 trains, ce qui reste donc, pourraient être enlevés encore ce soir. Donc, cet après-midi, le roi est venu sur place. Il a d'abord été accueilli à la maison communale d'Amay, puis il s'est rendu sur les lieux de l'accident avec le Premier ministre, le ministre de la Mobilité. Et ce qu'ils ont pu voir ici témoigne de la violence du choc. Des wagons éventrés, sortis des rails, par endroits écrasés ou réduits en charpie. Je vous rappelle que 3 personnes sont mortes dans cet accident et qu'une est encore à l'hôpital dans un état critique. Alors, l'heure à laquelle la voie sera libérée est encore inconnue. Ce soir ou plus tard, nous attendons encore des informations de la part d'Infrabel. François Brébant avec Vincent Brichet. La première victime est un agent de la SNCB, le conducteur du train Marc de Gaeter. Il avait 47 ans. Sa compagne a informé le club de motards dont il faisait partie. L'accident a donc fait 2 autres victimes. On ne connaît pas encore leur identité. On a aussi appris qu'un jeune homme de 26 ans était très grièvement blessé. Il est hospitalisé à la Citadelle. Parmi les 9 autres victimes hospitalisées cette nuit, 5 ont déjà pu quitter les établissements de soins. Christophe Levaux est directeur médical au centre hospitalier régional de Huy. Il explique que les patients arrivés à l'hôpital étaient gravement touchés, mais dans la mesure où cet accident s'est produit à 23 heures, le nombre de victimes est finalement limité. Ici, on voit que les patients ont été projetés dans les wagons et n'ont pas leur ceinture de sécurité comme dans des véhicules privés classiques. Vous vous attendiez à bien pire que ça? Oui, donc on a déjà eu il y a 4-5 ans un accident de train dans la région. On avait eu beaucoup plus de blessés que ça. La première annonce qui nous avait été faite, parlait de beaucoup plus de blessés et d'impliqués que ce que nous avons reçu. Christophe Levaux avec Benjamin Carlier. Tentons de comprendre à présent ce qui a pu se passer. Un train voyageur qui percute un train marchandise qui circulait à très basse vitesse. Pour l'instant, Martial Gimlio, on a très peu d'éléments pour expliquer justement foudre, problème de signalisation, erreur humaine. À ce stade, tout est envisageable. Un accident est forcément la conséquence d'une ou plusieurs anomalies ou défaillances. Dans le cas de la collision ferroviaire de Saint-Georges-sur-Meuse, plusieurs hypothèses circulent. Un train arrivant à pleine vitesse a percuté un autre à l'arrêt. La question d'un éventuel problème de signalisation se pose donc. D'autant que quelques heures avant l'accident, la foudre a touché les infrastructures électriques d'Infrabel à proximité et que les techniciens dépêchés sur place s'y trouvaient toujours au moment de la collision. La question d'un possible dysfonctionnement du système de freinage sécurisé du train a aussi été soulevée, comme celle d'un rôle éventuel du brouillard. Infrabel reste prudent par rapport à toutes ces hypothèses, jugeant prématuré de tenter d'y répondre. Les explications, c'est l'enquête qui devra les donner, ou plutôt les enquêtes, comme l'a précisé François Bello, le ministre fédéral de la Mobilité. Donc il y a 4 enquêtes qui sont en cours, celle qui est menée par le parquet, celle qui est menée par l'organe d'enquête du SPF Mobilité, et bien entendu par Infrabel et la SNCB qui collaborent à la recherche de là ou des causes éventuelles, mais à l'heure qu'il est, on n'a pas encore d'explication. Les lieux ont bien sûr été laissés en état pour permettre le travail des experts. La partie intacte du train de marchandises a toutefois été évacuée il y a un peu plus d'une heure. D'autres parties, voire l'ensemble, pourraient être retirées dans les prochaines heures. Martial Gillot avec Barbara Schall. Il y a de nouveau de l'orage dans le sud du pays et les pompiers sont littéralement débordés dans la région de Verviers et de Durbuy aussi. Oui, c'était annoncé, la pluie a commencé à tomber dès 14h dans la région de Verviers. En 20 minutes, les pompiers ont reçu près de 200 appels. Ça tombe de partout, Justine Hermans. Des routes sont inondées, des caves sont sous eau, des tacs d'égouts se soulèvent sous la pression des eaux, des arbres ou des branches sont au sol. À Dizon, le centre est inondé, la zone de police Vesdre demande aux citoyens concernés par la montée des eaux de ne pas quitter leur domicile. À Andelès et Chéneux, près de Herve, l'eau est montée jusqu'à 1 mètre dans certaines caves. C'est le Blef qui est sorti de son lit, comme le Bola à Soiron, près de Pépinster. Des grelons sont également tombés à certains endroits, comme à Durbuy. Et la région vergiétoise n'est pas la seule à être touchée, Justine. Ça descend à ces orages. À Charleroi, les pompiers ont rapidement été submergés d'appels pour des routes et des caves inondées. Le tunnel du Grand Ring, le R3, est sous eau à Couillé. La rue de Châtelet-la-Ballée aussi, sur une vingtaine de centimètres. Un arbre s'est également effondré sur la voirie dans la rue de Courcelles-la-Roue. Il n'y a pas de blessés. Merci Justine. La tour des finances de Liège évacuée et fermée par des manifestants cet après-midi. Et c'est une nouvelle manifestation contre les mesures gouvernementales, contre la réforme des pensions, la loi travail. Par ailleurs, la grève des bus se poursuit en Hainaut. Une nouvelle assemblée générale des conducteurs Carolo est prévue demain à Tournai et à Mons. Le retour à la normale est pour demain. À Mons, en revanche, 150 écoles seront à l'arrêt. En tout cas, la CGSP a déposé un préavis de grève pour tout l'enseignement officiel, de la maternelle au supérieur. Mais attention, les examens seront bel et bien organisés pour les rétos. Des grèves contre les mesures du gouvernement Michel, et pourtant, tout ne va pas si mal. En tout cas, la Banque Nationale, elle, parle d'embellie. 140 000 emplois créés d'ici fin 2018. 40 000 créés l'an dernier. La Belgique se redresse économiquement. Et si c'est plutôt bon, c'est en partie dû aux mesures du gouvernement fédéral, dixit Jan Smets, le gouverneur de la Banque Nationale. On n'aurait sans doute pas eu ces estimations ou ces chiffres en termes de création d'emplois sans les mesures. On prévoit une croissance au cours des 3 années 2016, 17 et 18 de 140 000. Et donc ça, c'est évidemment le reflet d'un redressement économique qu'on observe, même s'il reste finalement relativement modeste, mais c'est sans doute aussi le reflet des mesures prises de réduction du coût du travail notamment et de tax shift. Jan Smets, le gouverneur de la Banque Nationale avec Michel Vizard. Chaque année, 13 000 enfants sont victimes de maltraitance en Belgique. Et encore 13 000, ça, ce sont les victimes signalées. Selon le Centre fédéral d'expertise de soins de santé, il y aurait bien plus de cas. Les maltraitances, dit le Centre d'expertise, ne sont pas suffisamment signalées, en tout cas pas suffisamment signalées par les médecins qui sont pourtant en première ligne. Avec nous, Bernard Parmentier de la Fédération des équipes SOS Enfants. Bonjour. Bonjour. Ce constat, vous le faites dans votre travail au quotidien, pas assez de signalements de cas de maltraitance ? Il faut savoir que près de la moitié des situations dont on s'occupe viennent quand même des familles elles-mêmes. Donc c'est qu'il y a quand même une reconnaissance, mais au niveau, assez curieusement, de certains professionnels, les équipes SOS Enfants sont méconnues. Alors on croit que l'on doit immédiatement signaler ça au parquet ou à d'autres instances. Oui, ce qui pourrait rendre les médecins frileux, c'est effectivement de ne pas trouver une porte à qui signaler ces cas de maltraitance, mais ils peuvent très bien les signaler aux équipes SOS Enfants. Ah mais absolument, absolument. dont le devoir est, à partir du moment où elles ne parviennent pas à protéger l'enfant, le devoir est évidemment alors à ce moment-là de trouver d'autres solutions. Alors, le centre d'expertise propose d'augmenter les moyens justement pour des services spécialisés comme les vôtres. Vous n'allez pas regretter une telle décision, une telle recommandation. Mais c'est une recommandation qui est très intelligente et que l'on ne regrette évidemment pas, au contraire. Oui, SOS Enfants n'a pas toujours eu la vie facile sur le plan des moyens. Mais non, et elle ne l'a toujours pas. Pourquoi ? Parce que les situations sont de plus en plus nombreuses, mais aussi, surtout, de plus en plus complexes. Si on signale plus de cas de maltraitance, est-ce qu'on a en Belgique les moyens de gérer la maltraitance, de gérer les enfants qui sont victimes de maltraitance ? Mais là, c'est vraiment une question de volonté politique. Tous ces phénomènes, quand ils ne sont pas pris, et on a développé d'ailleurs, et on développe de plus en plus aussi la prévention anténatale, si ça n'est pas pris au tout début, cela peut engendrer une série de catastrophes. Alors on parle maintenant, par exemple, beaucoup des prisons. Eh bien, je préfère vous dire que si toutes ces situations pouvaient être prises en charge à temps et suffisamment tôt... Il y aurait moins de gens dans les prisons. Mais bien entendu, il y aurait beaucoup moins de gens qui sont mal dans leur peau, qui vivent quelque chose de très difficile à vivre et qui ont vécu une enfance tout à fait déstructurée. C'est pour moi une évidence que c'est à ce niveau-là, au niveau de la petite enfance, qu'il faut consacrer un budget beaucoup plus important que plutôt que d'arriver comme le plombier qui doit mettre les doigts sur les trous pour pouvoir boucher tous les trous, c'est trop tard. Merci Bernard Parmentier. Je rappelle que vous êtes président de la fédération SOS Enfants. Un policier pas content, un policier de Malines. Il dépose plainte pour harcèlement moral, plainte déposée devant la justice, donc en novembre dernier. Il faut dire qu'il livrait des informations sur l'endroit où Salah Abdeslam pouvait se cacher à Molenbeek, mais le chef de sa zone de police avait jugé l'information non fiable. Le policier parle donc de harcèlement moral, Patrick Michel. En novembre 2015, le policier livre deux informations. La première, c'est qu'Habita Berkane, c'est un neveu de Salah Abdeslam, est en train de se radicalisé et qu'il aurait encore des contacts avec les Abdeslam. Le 79 rue des 80 est la deuxième information, elle est communiquée comme domicile de la mère d'Aberkane. C'est bien là que Salah Abdeslam sera arrêté, mais 4 mois plus tard. Et le problème pour le policier, c'est que l'arrestation n'a rien à voir avec les informations qu'il a livrées. Elles étaient pourtant encodées depuis le 7 décembre dans un ordinateur, mais elles n'ont jamais été versées dans la banque de données que tous les policiers peuvent consulter. Et de pointer alors la responsabilité de son chef de corps qui n'a pas pris son travail en considération. Abderrahim Lalali, avocat du policier. Ce n'est pas seulement les informations vis-à-vis de Salah Abdeslam, il a donné aussi des autres informations vis-à-vis des autres dossiers terroristes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas normalement dans son zone de police à Mali. Ce policier dispose pourtant de tous les agréments de sécurité en matière de lutte antiterroriste. C'est donc désormais à la justice de tirer tout cela au clair. Un juge d'instruction devra déterminer notamment s'il y a eu intention de nuire au travail du policier, avec comme éventuelle conséquence alors une rétention d'informations dans le dossier des attentats de Paris. Et à Paris, on a peut-être évité la catastrophe. Oui, les autorités ukrainiennes affirment avoir arrêté un Français de 25 ans qui préparait une quinzaine d'attentats lors de l'Euro 2016 de foot. Il s'était rendu en Ukraine pour se procurer des armes et des explosifs. Le jeune homme est qualifié d'extrême droite, Daniel Fontaine. Les services secrets ukrainiens ont publié les détails de cette arrestation aujourd'hui. Il suivait ce Français depuis 6 mois. Le jeune homme était venu en Ukraine comme volontaire auprès de groupes armées qui se battent dans l'est du pays. Ils cherchaient en fait à se procurer des explosifs, des armes et des munitions. Ces achats réalisés, il s'apprêtait à quitter l'Ukraine, mais il avait été piégé. Les services secrets ont diffusé une vidéo le montrant vider sa cache, charger son arsenal dans une camionnette, puis se faire arrêter sans ménagement à la frontière polonaise. Tout avait été filmé. Le Français a critiqué la politique migratoire du gouvernement français, l'extension de l'islam ou encore la mondialisation. Vassil Ristak, chef des services de sécurité ukrainien, détaille les cibles qu'il avait retenues.

Profitez dès aujourd'hui d'une belle action chez Optica. À l'achat d'une monture avec verre optique, vous recevrez une deuxième paire gratuite, voire conditions en magasin. La vue n'est pas un luxe. Optica. Mes lunettes et lentilles, je les trouve sur optica.be. Il découvre RTBF Ovio. Et donc ici, je retrouve tous les podcasts radio. Je n'ai pas le temps de regarder, j'ai la petite épingle. Et voilà, c'est dans mon Ovio, je peux le regarder quand je veux à la maison. Rendez-vous sur rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Jusqu'à 19h, 5 à 7, avec Cyril. Et oui, pendant deux heures, c'est parti, on va faire le tour de ce qu'a fait l'actualité aujourd'hui. Et alors, par exemple, cette vidéo. Cette vidéo sur les réseaux sociaux qui a énormément tourné. C'est un extrait de l'émission de 7 à 8 qui est passé ce week-end sur TF1. On va en reparler dans quelques secondes. On y voit des policiers qui tentent de faire avancer une embarcation, une petite barque, alors qu'ils sont en Seine-et-Marne, que voilà, la région est complètement inondée. Ils doivent aller vers la population, sauf que c'est horrible d'en rire, mais ils galèrent complètement. Ils n'arrivent pas à monter sur cette barque. Et au moment où ils arrivent à embarquer dedans, ben voilà, ils échouent lamentablement. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur la page 5 et 7 via Cité RTB sur Facebook. On va y revenir dans un instant sur cette vidéo. On va s'intéresser aux formations qui sont données à nos forces de l'ordre, à nos secours ici en Belgique. On verra comment ça se passe dans quelques secondes. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, on parle beaucoup des crédits hypothécaires. Va-t-on vers la fin des taux fixes? Ce matin, vous en avez débattu dans C'est vous qui le dites. On essaiera d'y voir un petit peu plus clair dans cette histoire dans quelques minutes. On s'intéressera aussi à une nouvelle attraction. Vous l'avez peut-être vu ce week-end. C'était le lancement de Pulsar à Walibi. Eh bien, on verra là-bas comment ça s'est passé. Et vous qui ne l'avez pas encore testé, cette attraction, et on essaiera de vous faire vivre ces sensations avec la personne qui a pensé à Pulsar, l'ingénieur qui est derrière tout ça. L'actualité des Diables Rouges. Alors ce week-end, il y a eu la victoire, c'était hier au stade Roi Baudouin. Ophélie Fontana viendra nous donner toutes les dernières nouvelles de nos Diables avant le départ pour la France. Ce sera demain, c'est le journal des Diables qui arrive tout à l'heure sur Vivacité. Et puis un invité aussi tout à l'heure, si vous avez suivi The Voice en Belgique, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais si vous avez suivi The Voice en France, cette voix-là, ça vous dit quelque chose. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. C'est le gagnant de The Voice France. Il s'appelle Slimane et dans une vingtaine de minutes, il sera ici à mes côtés dans le studio pour nous parler de toute son actualité. Entre autres, un single, Paname, que vous entendez là. Alors je vous le disais tout à l'heure, des beaux cadeaux aussi à gagner. Dans quelques minutes, je vous offrirai votre Samsung Galaxy S7 Edge, tout dernier modèle. Ça coûte 800€ et pour la fête des pères, c'est un bien beau cadeau. Mais avant ça, vous allez repartir avec des magnifiques paniers bio parce que c'est l'action, c'est la semaine bio cette semaine. Et grâce à la PAC W, vous allez repartir avec des bons produits wallons bien de chez nous. Et ça, ça fait du bien. Alors je vous offre un panier bio dans lequel il y a de la bière bio. Ça, c'est de la bière, c'est bien. Si elle est bio, c'est encore mieux. Des jus de fruits avec des pommes et différents fruits wallons. Il y aura des confitures, il y a du quinoa, de l'avoine ou de l'huile de caméline, des gaufres, des biscuits, des chocolats. Bref, tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon et tout ça c'est pour vous. Vous inscrivez maintenant si vous voulez repartir avec ce panier, vous envoyez bio par SMS au 60 03, c'est 75 centimes le message. Comme promis à 17h22, on va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément sur les réseaux sociaux. Vous la retrouvez sur la page du 5 à 7 via Cité RTBF sur Facebook. C'est la vidéo de policiers qui sont en Seine-et-Marne. C'est une équipe de 7 à 8 sur TF1 qui les suit. Ils tentent d'embarquer sur une petite barque, une petite embarcation, alors que la zone est complètement inondée. Ils veulent aller vers la population pour les aider, sauf qu'ils galèrent complètement. Voici un petit extrait. On va donner une petite impulsion pour aller vers l'avant. Vous connaissez la pelle, les filles ? De toute façon, on prend la flotte, on prend la flotte. Ouais, faut lâcher, là, faut lâcher. On prend l'eau, là. Elle coule. Ah. Voilà, et vous l'entendez, on a fait plus que prendre l'eau puisque les trois policiers sont carrément sous l'eau puisqu'ils n'ont pas réussi à gérer cette embarcation. Et il faut dire qu'ils étaient pas très bien équipés puisqu'ils ont embarqué sur cette petite barque avec juste des pelles en guise de rame. Comment ça se passe chez nous? On va en parler tout d'abord avec Marc Gilbert, vous êtes président de la Fédération Royale des Pompiers, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Vivacité dans le 5 à 7. Alors Marc Gilbert, est-ce qu'en Belgique, si on est dans la même situation, en ce moment on les connaît ces situations-là avec les inondations dans différentes régions, est-ce que les pompiers sont équipés et sont entraînés à se déplacer dans des rues inondées ? Bien sûr, les pompiers sont équipés puisque nous avons des pompiers plongeurs dans lesquels ils suivent une formation au niveau des écoles provinciales du feu, donc. Ils suivent les cours de plongée avec différents brevets qui sont organisés. Et bien sûr, il y a aussi l'utilisation de barques, surtout dans les endroits où il y a, dans les zones de secours, où il y a des cours d'eau. Et c'est là que, bon, en ce moment-là, les pompiers sont plus spécialisés que les policiers, qui, rappelons-le, ce n'est pas leur, je vais dire, leur manière de travailler. Donc, c'est tout à fait différent par rapport au métier du pompier. Et donc, là, mais je rends malgré tout hommage aux policiers qui essayent, en réalité, de faire ce qu'ils peuvent pour venir en aide à la population, même si ce n'est pas leur travail, ben, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas évident, en tout cas, il faut le savoir. Il y a un entraînement particulier donc, qui est suivi. Est-ce qu'il est il est pas le même donc, pour tous les pompiers? On peut imaginer qu'en zone, en pleine ville, si on connaît des inondations pareilles, les pompiers n'auront pas peut-être la même réaction que ceux qui sont en bord de Meuse, par exemple? Bien sûr, tout dépend où on se trouve, dans quelle zone on se trouve. Si on est dans une zone où il y a déjà des cours d'eau, bien on a la formation de pompiers plongeurs qui est faite par les écoles provinciales. D'accord. Si on se trouve dans des côtés ruraux, je vais dire, où il n'y a pas de cours d'eau, bien à ce moment-là, bien sûr qu'on n'a pas de nécessité immédiate de suivre cette formation. En réalité, il y a des spécialités par endroit où on se trouve sur base des risques, des dangers qu'il y a. Et donc, il est évident que même des pompiers, parfois, dans des communes ou autres, où il n'y a pas de cours d'eau, mais ne suivent pas de formation ni de plongeurs, donc dans ce cadre-là, et qui suivent d'autres formations, par exemple incendie de feu de forêt ou d'autres niveaux. Eh bien, merci Marc Gilbert pour ces précisions concernant les pompiers. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération Royale des Pompiers. Alors dans cette vidéo, c'est la police française qui est concernée. Ce sont des policiers qui tentent de venir en aide à la population. Marc Garin, vous êtes chef de la zone de police Mons-Kévy. Bonsoir. Bonsoir. Alors même question pour vous, chez les policiers. Est-ce qu'il y a une formation à ce type de situation? Non, comme vient de le dire le collègue, ce n'est pas notre vocation première. Donc nous n'avons pas de formation particulière par rapport à ce type de mission. Mais dès le moment où il faut en venir au secours des gens, ben, je pense que c'est l'affaire de tous. Donc ce qui se passe comme première réaction au niveau des policiers, c'est de se dire, tiens, comment puis-je faire avec les moyens du bord pour essayer de secourir les personnes? Maintenant, avec un peu de recul, de réflexion, nous pourrions aussi, au niveau police, faire appel à l'hélicoptère de la police. On peut imaginer des hélitreuillages si c'était nécessaire. Mmh. On peut faire appel à la police de la navigation, donc ce qu'on appelle l'appui spécialisé de la police fédérale, qui peut éventuellement venir nous aider. Mais ce n'est pas notre vocation première dans un premier temps. Alors ici, la vidéo tourne énormément sur les réseaux sociaux. On voit ces trois policiers qui tentent de faire ce qu'ils peuvent, mais qui finissent à l'eau, hein, après avoir galéré quelques minutes dans cette embarcation. Oui. Vous avez vu ces images, Margarin? Oui, je les ai vues, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est tout en leur honneur, je trouve ça généreux de leur part. Mais bon, on se rend bien compte qu'il y a là de l'amateurisme. Mais vous savez, tout dépend un peu du degré de danger. J'examine régulièrement chez moi des situations où je vois aussi un policier qui a dû, par exemple, plonger dans le canal pour pêcher une personne qui a tenté de se suicider. On voit toutes ces situations où, dans les prescrits de la police, on n'a pas d'entraînement particulier, où c'est finalement une réaction de bon sens, de spontanéité, mais avec les moyens du bord. Donc je pense qu'il faut laisser une part, dans des cas aussi spécifiques, un peu à l'improvisation, par rapport à d'autres situations où nous devons de réfléchir et de se dire, tiens, que peut-on mettre en œuvre? Comment peut-on se préparer à des situations qui pourraient arriver chez nous? Pensons à des zones inondables, pensons à des régions justement où là les intempéries peuvent provoquer des dégâts importants. Donc il y a peut-être une piste à creuser par là, il y a peut-être des entraînements spécifiques à avoir. C'est-à-dire qu'au-delà du secours aux personnes, je peux vous dire qu'une des missions, par exemple, de la police serait, par exemple, d'éviter les pillages de maisons dès lors qu'on a dû évacuer les habitations suite à ce type de circonstances catastrophiques. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la police doit être à même de circuler dans la zone afin de vérifier s'il n'y a pas, justement, d'éléments de pillage, de vol dans les habitations désertées. Mais là, on est déjà dans la gestion de la catastrophe, non pas dans les tout premiers temps, mais un petit peu dans la foulée. Eh ben merci beaucoup, Margarin. Vous êtes chef de la zone police Mons-Kévy. Et la vidéo dont on parle à l'instant, elle est disponible sur la page Facebook du 5 à 7. 5 à 7, Vivacité, RTBF. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Tu rentres à Bruxelles. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Emmène-moi voir la Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6 400 €, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condro à Boncel, à Nocéafem, sur la route de Huy-Warem ou JC, chaussée de Tongres à Raucourt. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Queen, Renaud, Puggy, Black Eyed Peas, Avicii, Dimitri Vegas, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. Ça alors ? Vous savez qui vient dans le 8-9 ce mardi ? Sophie Favier. Dans Jamais aussi bien qu'à 50 ans, elle livre les secrets de bien-être. Les siens, de l'appartement cocon au comportement à avoir quand on est une femme de 50 ans. Et comme on est gentleman dans l'équipe, on parlera presque pas de Cocorico Cowboy. Mais un peu quand même. Ah bah c'est Sophie Favier quand même. De 8 à 9, avec Benjamin Maréchal. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. 18 millions d'euros, mais tu te rends compte ? Elle n'avait qu'une toute petite chance de gagner, mais c'est sur elle que c'est tombé. Une nouvelle vie peut commencer. Quand on a de l'argent, soudain, on vous aime. Mathilde Seigné dans la liste de mes envies, suivie de Bowling, lundi soir sur la Une. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Sony, la famille, c'est le plus important. Je sais. Je parle. Tu te rends compte du temps que tu passes devant notre télé à regarder tes comédies de gonzesses. Ma papa. Alors que ta mère et moi, on pourrait regarder un film sur la famille. Ma papa, la maman, ça fait 10 ans qu'elle est partie avec Tony. Avec Canal Play, profitez en illimité de films, de séries, de dessins animés pour toute la famille pour seulement 9,99€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Abonnez-vous à Canal Play pour la première fois en Belgique sur vous.be. Canal Play est en exclusivité chez vous. Offre soumise à condition. Viva 7h30, les titres de l'actualité avec Manu Delporte. À Saint-Georges-sur-Meuse, en province de Liège, on va bientôt dégager les voies de chemin de fer, les voies sur lesquelles s'est produit l'accident hier soir entre un train voyageur et un train marchandise. Il était plus de 23h. Il y avait une trentaine de passagers à bord de ce train, parmi eux de nombreux étudiants qui rentraient à Liège après le week-end. Trois personnes sont décédées dans cet accident. Un autre est très grièvement blessé. La vie des autres blessés n'est plus en danger. 5 victimes sur 9 ont d'ailleurs déjà quitté l'hôpital. Cet après-midi, le roi et de nombreux ministres sont venus sur les lieux du drame. Pour l'instant, sur place, la circulation des trains est toujours interrompue. On apprend aussi que le ministre fédéral de la Mobilité, François Belot, et Willy Borsu, en charge de la politique en matière de système ferroviaire, de sécurité du système ferroviaire, seront entendus demain à la commission infrastructure à la Chambre. Des orages, des grêlons énormes et des routes inondées, des caves sous eau, les pompiers de Dizon, de Verviers, ont été littéralement débordés d'appels. Cet après-midi, 200 appels à la caserne de Verviers. Certaines rivières débordent. L'orage se déplace d'est en ouest. Il est au-dessus du Hainaut oriental en ce moment. Perex vous demande de limiter votre vitesse, d'allumer vos phares, de garder une distance minimum de sécurité si vous êtes sur la route. Le risque d'acloplanage est bien présent. Et puis au critérium du Dauphiné, le français Nasser Bouhanni de Cofidis s'est imposé lors de la première étape. Il devance au sprint Jens de Bucher de l'équipe Lotto Soudal. Merci Manu. La rédaction revient à 18h. On lisait à l'instant des conditions météo compliquées cet après-midi. Soyez prudents sur les routes. On fait un point RTBF Mobile Info dans quelques secondes, mais tout de suite la météo, Dominique. Oui, avec encore pas mal d'averses orageuses qui vont se poursuivre dans le courant de la soirée et de la nuit prochaine. Minima 12 à 16 degrés. Demain, même scénario qu'aujourd'hui. Côté température, même avec 1 degré de plus, soit jusqu'à 27 degrés, 20 à 27 degrés. Il y aura toujours cette sensation de temps lourd. De forts orages seront à nouveau à craindre. Notez qu'à partir de mercredi, la masse d'air va bouger un peu et il fera plus frais. Le point RTBF Mobile Info à 17h33, c'est avec Pierre Collard-Bovy, bonsoir. Oui, bonsoir Cyril, on vient de le dire dans les informations, évidemment, il pleut vraiment à différents endroits et puis les orages se déplacent évidemment. Il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était à Verviers, chaotique, très très chaotique, mais la ville de Mété est sous eau pour l'instant. À Mons, il pleut énormément aussi, donc soyez extrêmement prudents sur la route, bien évidemment. Alors, un véhicule est en panne à hauteur du tunnel, la Bruxelles, à hauteur du tunnel botanique, la circulation est ralentie vers la basilique, vous ralentissez dans le tunnel Boileau vers Mézère et du tunnel Trône au tunnel Léopold II vers la Basilique. 21 minutes de temps de parcours supplémentaire pour l'intérieur, Carrefour Léonard au titre, on parle du ring. Plus 20 minutes pour l'extérieur, Zaventem Grand Bigard. Plus 19 pour l'intérieur, Grand Bigard, Zaventem. Plus 16 pour l'extérieur, Grand Bigard au titre. Et plus 10 pour l'intérieur, Zaventem, Carrefour Léonard. Accident impliquant plusieurs véhicules toujours en cours sur la N5 Charleroi-Couvain à hauteur de Yves Gomzé en direction de Couvain. Passage difficile, accident sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Manage. Voie de gauche et l'arrêt d'urgence neutralisé. La circulation ralentie évidemment en direction de Liège. Des ralentissements sur le ring 3 de Charleroi entre l'Overval et Châtelineau. Un quart d'heure perdu en direction de Gouy. Chaussée inondée, on en parlait sur la nationale 98 Mettez-Ligny entre Mété et Fos-la-Ville. La chaussée était fermée jusqu'il y a peu, ce qui engendre évidemment de gros embarras de circulation. Et puis malgré tout, on contrôle votre vitesse sur le 411 de Bruxelles-Luxembourg entre Libramont et Verlaine. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Dans quelques minutes, un invité sera là. Si je vous dis The Voice, The Voice France, et si je vous dis gagnant, ben forcément, vous voyez de qui je parle. Il s'appelle Slimane et il s'installe dans le studio du Vivacité dans un instant. Et puis on va savoir qui repart tout de suite avec un panier bio parce que c'est la semaine bio. Et grâce à la PAC W, vous repartez avec des bien belles choses. N'est-ce pas Christelle? Oui, bonjour Cyril. Bonjour, comment ça va? Ah, ça va très bien, c'est mon anniversaire, donc voilà. C'est pas vrai, bon anniversaire oui. Christelle. Merci. Je vous offre un super panier bio grâce à la PAC W avec à l'intérieur pour votre anniversaire de la bière bio, à boire avec modération. Je vous ajoute un jus de fruits. Vous aimez le jus de pomme? Ah oui, super. Allez, oui. Bah, je vous mets ça, et bio s'il vous plaît. Confiture bio bien sûr. Alors il y aura quinoa, avoine ou huile de caméline. Je vais voir ce qu'on a dans le stock. Il y a des gaufres, il y a des biscuits et du chocolat pour votre anniversaire. C'est pas bien tout ça? C'est magnifique et c'est bio. Et c'est voilà. Bio en plus. Ben, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien de ce panier. Faites bien la fête avec ça. Et puis à l'année prochaine pour votre prochain anniversaire alors. Ok, c'est noté. Je vous prends au mot. Christelle, je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir Cyril. À bientôt. Il est 17h36. Dans quelques secondes, c'est le journal des diables qui arrive. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour savoir s'il faut 3 ou 5 minutes pour un œuf à la coque quand même. Mais chérie, ils ont les meilleurs conseillers. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, mon amour. Ça boue. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, condition printemps à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. Tu sais, chez Abiome... Oui, je sais, dommage qu'Abiome ne fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certain. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça, jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur Volkswagen.be. Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présentent la Fête de la musique. Du 17 au 21 juin, toutes les musiques s'invitent aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles avec des centaines de concerts gratuits et des animations pour petits et grands. Tous les lieux et le programme complet sur fêtedelamusique.be. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Moustique le soir et Grand Casino Brussels-Village. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Dans l'éco-quartier du Sartilement, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue du Sartilement, près du 357 à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à condition. Pour les matchs de la Belgique à l'Euro 2016, j'irai au Standard ou au Country Hall. Ou les deux. Rendez-vous sur la page Eurocafé pour plus d'infos. Demain, vous avez un rendez-vous à ne pas manquer, c'est la vie du bon côté, c'est avec Sylvie Honoré, vous le savez, c'est tous les jours, juste après le journal de 13h. Et demain, le sujet, c'est la sexualité après la retraite. Alors si vous êtes concerné, si vous avez envie de témoigner, vivacité.be, et puis rendez-vous demain, juste après 13h, pour en parler avec Sylvie Honoré et ses invités. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Juste avant d'accueillir Slimane, le gagnant de The Voice France, dans un instant, c'est le journal des Diables que vous attendez avec impatience si vous êtes fan des Diables. C'est avec Ophélie Fontana. Bonjour Ophélie. Ça va ? Ben ça va et vous ? Ben oui, vous savez que dans une semaine, à cette heure-ci, nous serons en transe. C'est vrai, le match face ben à l'Italie. Ben oui, premier match la semaine prochaine à 21h à Lyon. Ah, ça donc va voilà, être ça va être chaud. Et je peux déjà vous dire que je ferai la chronique de la semaine prochaine en direct depuis le stade de Lyon. Ah, vous êtes énervante. Vous commencez tout de suite en étant désagréable, quoi. Madame, non, moi, je voulais juste dire aux auditeurs que nous serons dans l'ambiance. Ah, bah, ça c'est bien. Donc, rendez-vous lundi prochain. Alors, d'ici là, on va parler des fans. Ben oui, ça, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont à la fête, les fans, puisque l'Euro, c'est vraiment le grand rendez-vous qui les attend. Mais j'avais envie de savoir et surtout de vous dire qui sont les fans des Diables Rouges. À quoi ressemble-t-il ? La Fédération de football, donc l'Union Belge, a en fait mené une grande enquête auprès des 24 000 membres du fan club 1895. Donc voilà, il y a des tas de fans qui ne font pas partie de ce fan club officiel, mais il fallait bien une base de référence. Ils se sont donc concentrés là-dessus, sur ces 24 000 fans, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de l'origine linguistique et géographique. À votre avis, dans quelle province du pays y a-t-il le plus de fans de Diables Rouges ? C'est en Wallonie ? Non. Ah bah, j'irais dans le Limbourg. Non, c'est dans la province d'Anvers. 17,8% de fans viennent de là. Ensuite, on a, et c'est pas si loin, le Hainaut à 17,3%. Oh, on est presque devant. Ouais. Voilà, on est quasi à égalité. Et puis, on a en bon dernier le Brabant Wallon, où il n'y a que 4,4%. C'est vrai ? Oui, voilà, c'est un peu étonnant, le Brabant Wallon. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de Français dans le Brabant Wallon. Oui, je sais pas. Il n'y a pas non plus toute l'explication très scientifique qui permet d'expliquer cela. Mais si on pondère le nombre d'habitants avec les fans, mais là c'est quand même le Luxembourg qui gagne, on a 4 supporters par 1000 habitants. 4 supporters par 1000 habitants, ouais. Mais c'est rien. Ben oui, mais c'est déjà pas mal, et c'est là en tout cas proportionnellement au nombre d'habitants qu'ils sont malgré tout le plus nombreux, et c'est assez étonnant. Ok, donc, ouais, voilà. 4 par 1000 habitants, je trouve que c'est pas beaucoup. Ben non, ben... Ce sont les chiffres de l'Union Belge de football. Ouais, bah ils étaient occupés à faire la fête, c'est pour ça. Ça doit être ça. À votre avis, plus d'hommes ou plus de femmes ? Ça, c'est assez facile. Plus d'hommes. Oui, il y a quand même encore 87% d'hommes pour seulement 13% de femmes. Et ça, je crois que l'Union Belge aimerait bien amener plus de femmes dans les stades. Il y a plus de supporters francophones. En ces deux dernières années, 6% de francophones en plus. Ils sont 46%. Mais les Flamands restent majoritaires avec 52,3%. Et n'oublions pas les germanophones. Ils sont quand même 1,3% à se déplacer au stade. Dernière merci petite chose, bah voilà, c'est bien à votre avis la moyenne d'âge du supporter moyen. 37. Bah c'est entre, ici la fourchette est un peu plus grande, c'est entre 25 et 34 ans. Oui, mais posez l'énigme correctement aussi. Oh non. Faites un énoncé clair, donnez-moi la fourchette d'après vous, quelle fourchette, vous me demandez quel âge. Oui. Bah j'y vais directement. En moyenne, oui, voilà. Mais vous étiez dans la moyenne en tout cas, donc vous avez bon Cyril, vous avez vu juste. Et donc il y a 39,4% de fans de Diables Rouges qui ont entre 25 et 34 ans, vous êtes donc dans la moyenne d'âge. Parfait, gommette verte. on va continuer à parler des Diables, on va s'intéresser aux réseaux sociaux là Ophélie. Est-ce que vous savez quel est le joueur le plus apprécié, les joueurs les plus appréciés sur la toile? Bah moi forcément je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Donc c'est vrai qu'en ce moment on parlait juste avant des fans des Diables Rouges pour avoir des nouvelles de nos Diables. Et c'est vrai que beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, et ici on entend à la fois Facebook, Instagram et Twitter. Donc il y a ces trois réseaux sociaux qui sont comptabilisés, et le plus populaire de nos Diables, c'est Eden Hazard. Tout réseau confondu, il a 17,9 millions de fans. Ah ouais. C'est quand même pas mal. Beaucoup, hein. Quand voilà, tu mets un truc, tout le monde le sait. C'est pas parce que c'est le plus populaire que c'est lui qui communique le plus sur ses réseaux sociaux. Au contraire, ces derniers mois, il est plutôt chiche, il dévoile pas grand-chose, mais malgré tout, voilà, il y a une vraie attente de la part des citoyens par rapport à Eden Hazard, notre nouveau capitaine. Juste après, on retrouve Thibaut Courtois, qui a quand même 9 millions de fans, ouais. C'est pas mal. Marouane Fellaini, troisième position, 7,2 millions, et pourtant, il ne s'exprime pas beaucoup, Marouane Fellaini, sur les réseaux sociaux, contrairement à Thibaut Courtois, qui lui a un peu plus actif. On est en quatrième position, Vincent Kompany, qui ne sera malheureusement pas à l'Euro, on le rappelle. Il aura le temps de tweeter. Ouais. Voilà, il a 6,7 millions de fans à contenter, donc il y a de quoi. Puis je précise aussi pour vous rappeler que même s'il n'est pas à l'Euro, il va commenter des matchs pour la BBC. Donc il ne perd pas de temps, à mon avis. Ça lui fera un joli chèque cadeau pour les grandes vacances en famille. Et enfin, en cinquième position, on a Thomas Vermaelen avec 5 millions de fans. C'est vrai que sa popularité est montée en flèche grâce à son intégration dans l'équipe du FC Barcelone, même si on l'a vu très rarement sur les terrains, comme quoi intégrer un grand club, ben, ça booste la popularité. Ça aide. Ça, voilà, ça aide quand même, malgré tout. Ça donne une bonne visibilité. Alors Ophélie, vous le savez, dans un instant, il y a Slimane, le gagnant de The Voice France, qui s'installe dans le studio. Mais on va parler d'un autre artiste avant, qui s'appelle Kiki. La chanson de Kiki, marche bien. Bah oui, c'est pas le même style de musique. Hein. C'est voilà, ici on est dans de la musique populaire. Parce qu'on est fait pour ça. Ah oui, moi je connais pas bien les paroles. Voilà, c'est jusqu'ici. Je sais que vous avez un petit faible pour cette chanson. Vous faites un plaisir personnel à la rediffuser. Exactement. Mais c'est vrai qu'elle est sympa cette chanson. Voilà, c'est de la musique populaire, c'est de la musique pour encourager les diables comme on l'aime. Et Kiki, bah, ça marche plutôt pas trop mal pour lui. Donc son titre, il est uniquement disponible en téléchargement. Donc c'est pas la peine d'aller chercher le CD chez le disquaire, vous ne le trouverez pas. Mais il a intégré le top 100 d'iTunes. C'est quand même pas mal. Et il est tellement populaire, Kiki, vous savez aussi ce qui vient de lui arriver. Il est originaire de Herve. Et la friterie du coin, la friterie du centre, elle a même créé le Kiki Burger. C'est génial. Moi, j'aurais peur de ce qu'il y a dedans. Attention, mais ça, c'est vraiment pour les gros mangeurs. 16 morceaux. Ça dépend. 16 morceaux de viande. 800 grammes de bœuf. Ah ouais, 800 grammes de Kiki, c'est pas mal. Voilà. Et figurez-vous qu'il a un peu lancé un challenge Eden Hazard. Je suis pas sûre qu'il va venir de venir manger un hamburger, le Kiki Burger avec lui. Ouais, parce que vous souvenez de cette vieille histoire d'Eden Hazard qui s'était fait un peu se taper sur les doigts. Il avait été sorti avant la fin d'un match. Et oh, le méchant, il avait osé aller manger un hamburger. Qu'il est vilain. C'est mal, et donc voilà, un peu en boutade, Kiki a décidé d'inviter Eden à venir déguster le Kiki Burger. Je ne suis pas sûre que ce soit pour demain. Ouais, en tout cas, demain, voilà, parce que demain, il part pour l'Euro. Les diables partent pour l'Euro. Donc demain, ce sera de toute façon pas possible. Et alors, rapidement, Ophélie, un nouveau son, un nouvel hymne de supporters. Bah oui, vite, j'essaye chaque semaine de vous amener une petite perle musicale. Pour vous, j'ai aujourd'hui le tube des Endiablés. 90 minutes d'ambiance, 90 minutes, la durée d'un match de foot. Deux ennuyés. On écoute. Rouge, on vient, c'est pour marquer. Diable, on est là pour gagner. Rouge, on va marquer. Diable. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal non plus. Ouais, hein. Y a quelque chose. Y a du bon. On va partager la vidéo sur la page 5 à 7 via Cité RTBF. Voilà, excellente idée. Et on salue tous ces artistes plein de talents qui nous font parvenir leurs vidéos, leurs compositions. Bien sympa. Moi, je trouve ça chouette. Il y a plein d'enthousiasme par rapport à 7 euros. On espère qu'avec toute cette musique qu'on diffuse chaque semaine sur Viva, que ça permettra de porter nos diables très loin dans la compétition. On l'espère. Merci beaucoup, Ophélie. À la semaine prochaine depuis Lyon. Ben alors. Voilà, ben bien sûr. Avec plaisir. Bonne soirée. Dans un instant, c'est Slimane qui nous rejoint en studio. Maintenant, chez Dovi Awan, lave-vaisselle gratuite et 50% de réduction sur la taque à induction. Plus d'infos sur dovi.be. Nous créons votre cuisine. Garage Dave et Fils, concessionnaire Fiat, Alfa Romeo et distributeur officiel Citroën. Mais aussi carrosserie toute marque et occasion garantie. Service et qualité sont nos priorités. Garage Dave et Fils à Wanzui, E40, sortie 8. Visitez garagedave.be et sur Facebook. Portes ouvertes ces 10, 11 et 12 juin. Découvrez la nouvelle Alfa Romeo Giulia et la nouvelle Fiat Tipo 5 portes. Vivacité la 2 présente Christophe Willem au Baudestival. On vous promet un show détonnant. Le Baudestival, c'est aussi Overphonic, Quentin Mosiman, Charcot, Grand Georges et les Frérots de la Vega parmi une vingtaine de concerts du 8 au 10 juillet en plein cœur de Bertry. Avec l'avenir.net, réservez vos places sur baudestival.be. Les commerçants du centre commercial de Barchon et les commerçants avoisinants vous accueillent du jeudi 9 au dimanche 12 juin pour leur grande braderie annuelle. Profitez de nombreuses promotions. Exceptionnellement, les commerces seront ouverts dimanche 12 juin toute la journée. Il y a des nuits où je rêve de prendre un break. Sable blanc, mer transparente, les enfants qui jouent avec des cerfs-volants grands comme des deltaplanes. Et en plus, j'y vais en Mercedes. Ah, et puis au réveil, on me dit qu'Unir Ligno Car offre des conditions exceptionnelles sur les Mercedes Break de seconde main. Alors, I take a break. Unir Ligno Car. Bye Mercedes-Benz. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Chez Nerlé New Car, il y a déjà une Mercedes classe C break à partir de 17 500 euros. Dès que break, surfez sur nnc.be. Nerlé New Car. By Mercedes-Benz. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. Paname, paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Aujourd'hui, dans 5 à 7, je suis pas tout seul sur Vivacité. Je suis accompagné de Slimane. Bonjour, Slimane. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va super bien. Ça fait super plaisir que tu passes voir les auditeurs de Vivacité ici en Belgique. T'es déjà venu en Belgique? Oui, je suis venu une fois. Ouais. À Bruxelles aussi. Et t'as fait quoi à Bruxelles? La fête. La fête. Alors, on sait faire ça aussi en Belgique. Alors, Slimane, il y a peut-être 2-3 personnes qui ne te connaissent pas parce que le samedi soir, ils ne regardent pas la télé. Mmh. The Voice en France, c'est l'émission que tu as gagnée. Et alors, depuis, c'est la folie. Depuis, on te voit partout, on t'entend partout. Tu fais des interviews de tous les côtés. Alors, ce que je te propose, c'est de me faire un condensé. On fait vraiment les questions que tout le monde te pose d'abord. D'accord. Et puis on essaiera de faire autre chose après. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus et les réponses que tu connais par cœur? Les questions qu'on me pose le plus, c'est comment as-tu vécu l'aventure? Et tu réponds quoi? Moi, je réponds que c'était une super belle aventure pour moi et que, bien sûr... Tu vas pas dire l'inverse en même temps. Bah, ça m'a bousillé tous mes samedis soirs. J'avais des plans avec des potes et j'ai pas pu les faire. Non, c'était vraiment incroyable. J'ai passé des moments vraiment fous dans l'émission. C'était cool. Donc ça, c'est la question numéro 1. Ouais. Ensuite, il y a quoi? La question numéro 2, c'est pourquoi le bonnet? Ouais. Je réponds toujours que voilà, je le mettais avant l'émission et que je suis venu comme ça. Du coup, à un moment donné, c'est devenu un peu mon porte-bonheur. Donc, je l'ai gardé. Mais il est où aujourd'hui? Il est pas là. Il avait besoin de repos. J'ai laissé à la maison. Il faut le passer à la lessive de temps en temps, c'est ça. C'est ça. De quoi tu as envie de parler, en fait? Parce que forcément, bah, ça tourne beaucoup autour de The Voice. C'est ça que tu veux raconter? Ou bien il y a d'autres choses qui t'intéressent? Je sais pas, moi, tu as une passion peut-être pour les souris et que tu as envie d'en parler. C'est quoi les trucs dont tu parles avec tes potes? En ce moment, vraiment, les trucs dont je parle, avec, quoi, les trucs qui reviennent souvent dans les conversations, c'est un peu les chansons que je suis en train de faire pour mon album. Donc, ouais. Je leur fais écouter, je leur demande leur avis, etc. Et, ils osent te dire, ouais, non, celui-là, pas trop. Ah ouais, ils ont un avis très tranché. Des fois, ils adorent, des fois, ils aiment pas. Quoi, c'est, voilà, ils sont vrais, mes amis, donc ça passe ou ça casse. Et c'est juste que tu ne les appelles plus après. À un moment, tu fais pas mon morceau, bah ok, on ne se parlera plus. L'album, il sort quand justement? Parce que t'es allé très très vite pour le single. Ça a mis quelques jours après ta victoire pour apparaître. Et l'album, il faudra attendre combien de temps? L'album sort le 8 juillet. C'est rapide, ça? Ben ça, tu vois, c'est une question qu'on me pose souvent. Et j'ai toujours la même réponse. Et, c'est que, voilà, c'est pas si rapide que ça, parce que finalement, j'ai mis 10 ans à sortir cet album, moi. Même si les gens me connaissent depuis The Voice, j'écrivais ces chansons-là, des chansons avant. Et d'ailleurs, dans l'album, il est composé à 80% de chansons qui étaient déjà écrites avant. Donc, non, j'ai mis 10 ans pour sortir un album. Je trouve que c'est cool, ça va. Alors, c'est rapide par rapport à ta victoire. Est-ce que, du coup, c'était préparé? C'est-à-dire que cet album, tu allais le sortir, que tu gagnes ou pas, ou là, c'est vraiment parce que tu as gagné qui sort? Parce que dans l'histoire de The Voice, on voit que beaucoup de non-gagnants, finalement, ont sorti quelque chose. De toute façon, c'est pour ça que je suis venu dans The Voice, c'est parce que j'avais des chansons à défendre après, et parce que c'était important pour moi de faire découvrir mes chansons. Et je savais que, quoi qu'il arrive, c'était une magnifique vitrine pour moi. Je pense que même si je n'avais pas gagné, j'aurais essayé de sortir ces chansons-là. J'étais déjà signé avant ou pas? Non, pas du tout. C'est des artistes, je pense aux frérots de la Vega, qui sont rentrés, il y avait déjà un producteur derrière, il y avait déjà une prévision, et puis on a utilisé ça pour faire la promo. Non, moi j'avais mes amis avec qui je faisais déjà de la musique, et d'ailleurs que j'ai gardé avec moi sur ce projet-là, mais j'étais pas signé en maison de disque. Sinon, j'aurais pas eu le droit, en vrai, de faire l'émission. D'accord. T'avais participé à d'autres émissions avant. Il y a un jour où tu t'es dit, je vais tout arrêter, parce que c'est pas ça, je vais aller travailler, je sais pas, dans un bureau, faire n'importe quoi. Non, mais je crois que... On doute tout le temps quand on décide de faire des métiers un peu particuliers. Après, il y a la passion qui revient et l'envie, et ça s'arrête jamais. Donc oui, j'ai déjà douté, mais jamais je me suis dit vraiment que j'allais arrêter, parce que je sais faire que ça et j'ai envie de faire que ça. Alors, le premier single Paname est dispo. L'album arrive, donc on l'a dit, le 8 juillet. Alors, cet album, j'espère que ça va très bien marcher pour toi. Merci. Est-ce que tu préfères être un gagnant à la Kenji Girac ou à la Stéphane Rizon? Tu parles en vente d'albums. Je parle, tu prends cette question comme tu veux. Non, parce que, alors, dans les gagnants de The Voice en France, il y a eu Stéphane Raison, il y a eu Johan Frégé, il y a eu Lilian Renaud et Kenji. On ne peut pas les mettre vraiment tous dans la même catégorie. Ça n'a pas marché de la même manière pour tout le monde. Ça, c'est pas un truc qui te fait peur, ça, de te dire que les gagnants de The Voice ne sont pas forcément ceux qui vendent le plus. Je pense à Louane, aux frérots de la Vega. Ouais, mais je ne me pose pas vraiment cette question. Moi, j'ai essayé de faire mon album avec toute l'envie et toute la passion et tout le cœur que j'avais. Maintenant, après, c'est aussi les gens qui vont décider de l'avenir de ce projet. Et j'ai la chance d'avoir vraiment vécu une belle rencontre avec le public et j'espère que ça va continuer. Ta voix est hyper apaisante, je suis en train de me dire ça depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone pour un moment si on est, tu vois, on n'arrive pas à dormir, on t'appelle, c'est pas que tu endors quand tu parles, mais t'as un truc vraiment très... Tu parles sur le même ton, on a l'impression d'être apaisé. Tu devrais ouvrir un centre, tu vois, un centre où les gens viennent juste se relaxer chez toi. Ok, si un jour ça marche pas, je ferai ça en reconversion. Tu bosses avec qui sur l'album? Parce que tu dis que tu bosses tout le temps avec les mêmes potes. On peut dire celui qui est là ou pas? Ah ben oui. Tu veux dire qu'il y en a un qui traîne dans le coin là? Ben c'est Mickaël. Eh ouais. Mickaël, tu peux venir ou pas? Tu peux venir au micro? Ou t'as peur des micros? Viens, sale-toi. Vous bossez ensemble sur l'album? Ouais. Ouais. Mickaël, tu fais quoi avec Slimane? Vous bossiez déjà ensemble? C'était pas prévu du tout que tu viennes t'installer autour de la table, mais autant profiter que t'es ici, t'es fait le déplacement. Non, j'ai croisé le chemin de Slimane il y a quelques années. Ouais. Et quand tu aimes la musique, quand tu es fou de voix, fou de musique, hein, ben tu en ressors pas indemne. Donc notre rencontre avec Slimane, elle s'est faite autour de la musique il y a quelques années. Et on s'est plus quitté. C'est beau, ça. Et quand il dit qu'il a embarqué tous ses amis dans cette histoire, c'est vrai. Il aurait pu choisir plein d'autres gens pour s'entourer, pour se staffer, pour faire son album, etc. Et ben non, il a embarqué tous ses potes, ce qui nous fait peser sur nous aussi une certaine responsabilité. Ouais. Mais c'est pour dire, voilà, c'est quelqu'un d'incroyable, de très instinctif. Et que c'est un bonheur de pouvoir, en tout cas moi, à ma manière, l'accompagner dans sa carrière. Voilà. C'est une vraie déclaration d'amour, ça. Ouais, il parle mieux que moi, ouais. Je crois que je vais... Le bisou, ça c'est la suite. Ah, oh, c'est beau ça. Vous allez retrouver tout ça, bien sûr, en vidéo sur vivacité.be. Merci beaucoup Slimane d'être Merci passé nous voir. Beaucoup. Merci Mickaël, c'était pas prévu, mais voilà, c'est très sympa d'être passé au micro. Je te souhaite plein de bonnes choses Slimane. Merci. Et puis tu reviens parce qu'il y aura un concert, je suppose, aussi, à un moment. J'espère. Le but de tout ça, en tout cas, moi, ce que je préfère et ce dont j'ai le plus envie, c'est d'aller rencontrer les gens sur scène, donc si un jour j'ai la chance de venir à Bruxelles pour chanter, ce sera magnifique. Tu chanteras et tu feras la fête, ça tu sais déjà qu'on ouais, sait le faire bon, ici. Ça c'est bon, je sais. Merci beaucoup, à très vite. Merci. 5 à 7. Il est 17h56, voici le cactus de Jérôme de Warzé. Jérôme et le cactus de ce matin. Hier, la Belgique a donc battu la Norvège en match amical. Un peu poussif quand même. Oui, et bonjour Kiki. Vous étiez au stade hier soir d'ailleurs, hein, Kiki. C'est-à-dire que moi, j'y étais à 18h au coup d'envoi. La défense, elle est arrivée vers 19h15. C'est ça. Romelu, lui, pour une fois, il était à l'heure. Mais après 3 minutes, il a estimé qu'il avait fait son boulot. Donc à partir de là, il a décalqué son jeu sur Benteke. Oui. Et ça, c'est dangereux. Ah, oui. Benteke, c'est un athlète de biathlon. Tu vois le biathlon? Ce qu'ils te font est tir couché. Tu vois, Benteke, c'est ça, mais en aveugle. Ah bon. Il fait l'effort et dès qu'il doit tirer, voit le noir. Et c'est plus bien que faire du biathlon pour un aveugle, c'est dangereux, hein, surtout pour les autres. Évidemment. Bon, alors le bilan de la semaine, alors. Hein. Alors un nul contre les Finlandais et une victoire poussive contre les Norvégiens. Heureusement qu'on joue pas les Suédois à l'Euro, hein, parce que oui, je peux te dire que si je savais que Jordan Lukaku devait tenir Abramovic, autant éviter les frais de déplacement. Hein. Note qu'avec un nul et une victoire à l'Euro, serait déjà meilleur 5e d'une poule de 4. Mais attends, quand on compte les Allemands, les Ritaillais ou les Brésiliens. Ouais, non, mais les Brésiliens ne vont pas à l'Euro, Kiki. Comment donc, ça? Non. Ça, c'est terrible. Le racisme est vraiment partout. Hein. Bon, on a gagné hier soir, mais on a encore pris 2 buts. Hein. La dernière fois que j'ai été dans ce stade Roi Baudouin et que je suis sûr qu'on n'a pas pris de buts, c'est au concert de Mylène Farmer. Sinon, je crois qu'on a aussi tenu le 0-0 quand on avait annulé contre les Portugais oui, aussi. C'est vrai, hein. C'est vrai. La défense est entrée, c'est ouvert. Faites comme chez vous, servez-vous. Faut mettre les ingénieurs des tunnels bruxellois dessus, hein. Faut fermer pour 30 ans avec une défense pareille. Même Napoléon est battu lors de la bataille des Dardennes. Oh là là. Pour serrer les boulets, sinon on peut directement appeler Yvan Mayer pour lui dire qu'il n'y aura pas de problème pour l'envahissement du piétonnier. Oui. Donc il doit avoir l'habitude. Oui, ça c'est bon. Alors hier soir, on aurait pu revendiquer un penalty pour une faute sur Dries Mertens. Oui, bon, Mertens c'est du léger, hein. Il est comme le commissaire Van der Smissen, il tombe quand même vite. Oui, hein. La première petite charge, oh, le foot c'est quand même un sport de full contact. Non, enfin, vous pouvez pas comparer la charge du commissaire Van der Smissen. Ça va. pas, hein, un footballeur, ça simule encore plus qu'une femme. Ah bah bon. Parce que vous parlez d'expérience, je présume. Eh, j'ai jamais couché avec un footballeur, hein, pour mais vous. Non, mais non, alors, heureusement, Hazard s'est démené, il a mis le deuxième. Hein. Oui, et d'ailleurs, je crois qu'il est temps de rendre hommage à nos commentateurs favoris, Philippe Albert et Rodrigo Betches. C'est ça. Or, Philippe Albert, toujours aussi réveillé, lui, hein. Note que s'appeler Philippe et Albert, tu sais que tu ne seras pas flashé au radar de la répartie. Et enfin, Rodrigo Betches, maître bien statistique. Oui, Rodrigo. Oui, notons aussi, car c'est important, que l'arrière latéral gauche norvégien a couru 12,46 m de plus que son nom, qui était lié droit lors du match contre la Bulgarie en 93, alors qu'il n'a pas arrêté de casser le jeu. Mais vous connaissez le fameux proverbe norvégien, Philippe. On ne fait pas d'omelette sans casser le jeu. D'omelette norvégienne, bien sûr, mon cher Philippe. Ça fait 15 ans que je la prépare. Oh, que je suis faux. Bon, mais merci. Bon, vous savez, ils ne nous inviteront plus en plateau. Vous savez, bon, et alors. Eh bien, tu es entendu, Albert et Minkens. Ils critiquaient le positionnement d'Hazard juste avant son but. Bien vu, ça, hein. Ils avaient mangé du Powell, ce coup. Tu t'as arrêté. Bon, Rodrigo Benkens, c'est notre grand spécialiste, hein, je vous le signale. Ah ouais? Tu l'as entendu à la mi-temps? Ah, nos diables, requin qui est transfiguré, métamorphosé. C'est surtout le grand spécialiste du dico des homonymes sur les genoux, hein, lui. Et fait pareil sur ses 6 heures de direct au Tour de France. Hein, il commente la course 3 minutes, et le reste, il lit le guide Michelin. Hein. Bah, donc... Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Des orages et des averses de grêlons cet après-midi sur toute la Wallonie. Une personne est portée disparue à Welkenraad. Les pompiers sont débordés. 3 morts, 9 blessés, c'est le lourd bilan de la collision entre 2 trains hier soir à Saint-Georges-sur-Meuse en région liégeoise. Nous ferons le point sur l'enquête. Le roi Philippe s'est rendu sur place cet après-midi. La grève pour 2 jours dans les écoles officielles de Mons-Borinage. Les examens de réto seront toutefois maintenus. Jour de repos pour les Diables Rouges avant leur départ pour Bordeaux. Demain, dans le journal des sports, nous reviendrons sur le match face à la Norvège et le regard de la presse étrangère sur l'équipe belge. Le journal sur Vivacité avec Marianne Brillo. Bonsoir Marianne. Bonsoir à tous. Avant de revenir sur la collision entre 2 trains hier soir à Saint-Georges-sur-Meuse, ces orages qui traversent le pays depuis cet après-midi, orages très violents accompagnés de pluies torrentielles et de grêlons, une personne est portée disparue ce soir dans l'est du pays, Justine Hermans. Elle aurait été emportée par les eaux à Welkenraad en province de Liège. 3 autres personnes avaient aussi été portées disparues, mais elles ont été retrouvées à Andelay-Séchéneux près de Herve. L'eau est montée jusqu'à 1 mètre dans certaines caves. Le ruisseau Le Blé fait sortie de son lit. À Soiron, à Pépinster, même constat pour le Bola, mais la situation est sous contrôle à présent. L'orage dans la région vervétoise a aussi fortement touché la commune de Dizon. Là-bas, le centre a été complètement inondé. Le quartier du Corbeau est le plus touché. À présent, l'eau s'est retirée, mais les dégâts sont importants. Écoutez le bourgmestre de Dizon, Yvan Iliev. Malgré le fait que le ruisseau est canalisé et que les travaux importants ont été entrepris pour améliorer l'égouttage au cours de ces dernières années, l'eau a débordé, a envahi le centre de Dizon sur une hauteur d'à peu près 20 cm en moyenne, mais les caves, fatalement, l'eau s'y est engouffrée et pas mal de caves sont inondées. Le bourgmestre de Dizon, Yvan Iliev, joint par Anina Meus. Justine, la région Namur est également touchée par ces orages. Oui, particulièrement le sud de la province de Namur. Certaines routes sont partiellement inondées, elles sont fermées à la circulation. Les pompiers ont aussi été appelés pour des maisons inondées. Des voitures ont également été endommagées par des grêlons de la taille d'une grosse bille. Les orages se sont ensuite déplacés vers l'ouest de la province, dans la région de Philippeville et de Mété, en faisant un peu moins de dégâts. Du côté de Charleroi, le Grand Ring, le R3 et Souzeau à Couillé. Merci Justine. Justine Hermans, notons aussi que les pompiers sont en train de multiplier les interventions dans les régions de Mons et de Charleroi, notamment. Un amas de ferraille, un wagon croqué en deux, des carcasses entremêlées. Ce sont celles de deux trains accidentés à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse en région liégeoise. Un train de passagers qui emboutit un convoi de marchandises alors que celui-ci redémarre à faible vitesse. Cela s'est passé peu après 23 heures hier. Une collision qui a fait 3 morts, dont un des conducteurs, un homme de 47 ans. 9 passagers sont blessés, certains grièvement, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le train passager transportait une quarantaine de personnes, dont des étudiants et des agents de la SNCB. Christian Martin était accompagnateur de train pendant plus de 20 ans. Pour lui, on est passé à côté d'une plus grosse catastrophe encore. Oui, bien sûr, parce qu'un élément important, je pense, dans ce cas-ci, c'est la composition du train de voyageurs. Hein. Il n'y a que 50 voyageurs, mais il y a 6 voitures. Donc les voyageurs étaient, je dirais, relativement dispersés dans celui-ci. On peut imaginer le même accident avec un train composé de 2 voitures. Donc on aurait pu craindre effectivement beaucoup plus de blessés. Christian Martin, accompagnateur de train pendant plus de 20 ans. Cet après-midi, le roi Philippe s'est rendu sur place accompagné du Premier ministre Charles Michel, du ministre de la Mobilité aussi, François Belot, le roi qui a tenu à féliciter les services de secours qui sont intervenus. François Brébant, vous êtes sur place toute la journée. Les enquêteurs ont cherché le moindre indice pour tenter d'expliquer l'accident. Où en sont-ils à présent ? Alors, d'après les informations que nous avons reçues d'Infrabel, une grue doit arriver sur place dans la demi-heure. Cette grue va soulever le premier wagon de voyageurs accidentés. Ça va permettre aux enquêteurs d'accéder à la boîte noire de la locomotive, ce qui est indispensable pour connaître les causes de l'accident de cette nuit. Alors, cet après-midi, à 14h, le roi et le Premier ministre sont venus sur place. Ils ont d'abord été accueillis à la maison communale d'Amay, puis ils sont venus constater les dégâts sur les lieux de l'accident. Nous y avons accédé nous aussi. Et la scène que nous avons vue est effrayante. Des wagons réduits en charpie, écrasés et qui n'ont laissé aucune chance aux victimes piégées dans l'enchevêtrement de tôles. Je vous rappelle que cet accident a tué 3 personnes et qu'une 4e est en danger de mort. L'état de ce jeune homme suscite, nous dit-on, les plus vives inquiétudes. Il y a une demi-heure, une locomotive de manœuvre est arrivée sur place. Les travaux de dégagement doivent commencer très bientôt. La voie pourrait être dégagée demain dans l'après-midi et la circulation être rétablie partiellement fin de la semaine. François Brébant avec Vincent Brichet. Erreur humaine, brouillard, problème de signalisation dû à la foudre. Cet accident encore inexpliqué marque évidemment tous les métiers du rail. Il s'agit aussi, Dominique Delal, ce soir de rappeler que le réseau ferroviaire est équipé de différents dispositifs de sécurité. Oui, un système automatique de freinage, le TBL1+, est appliqué sur 90% du réseau. Un feu rouge brûlé et le convoi s'arrête progressivement. Il évitera alors un éventuel obstacle, à condition d'avoir respecté la limitation de vitesse à la hauteur du feu. L'année dernière, un peu plus d'un feu rouge par semaine était franchi sans conséquences graves. Le système d'activation est d'ailleurs fort sensible. Si un feu ne propose aucune couleur, le conducteur doit l'assimiler à un feu rouge. Dans le doute, il y a peut-être un problème technique. À bord du train, toutes les données sont consignées sur une bande appelée TELOC. Comparons-la aux boîtes noires des avions. Ces bandes enregistrent toutes les manœuvres, la vitesse, voire les coups de klaxon. Au sol, les liaisons radio GSM avec le train sont enregistrées, elles aussi. Ouais, c'était Dominique Delal et je vous rappelle que cette collision de train a provoqué la mort de 3 personnes. La grève demain et mercredi dans les écoles du réseau officiel de Mons-Borinage. La grève à l'appel de la CGSP, cela concerne quelques 150 implantations du primaire, secondaire et supérieur. Tous se mobilisent à leur tour contre les mesures du gouvernement fédéral. Cette grève ne risque-t-elle pas de perturber la session d'examen et les révisions déjà en cours ? Michel Honoré, secrétaire régional de la CGSP Enseignement. Alors la grève est organisée de manière à laisser les élèves des classes terminales passer leurs épreuves telles qu'elles avaient été planifiées et également de permettre aux étudiants de l'enseignement supérieur de passer leurs examens. Maintenant, par rapport aux autres élèves, je crois que les enseignants feront correctement les choses par rapport à l'évaluation sur notamment l'évaluation sur l'année. Notamment à la préparation, par exemple, du CEB. 2 jours de préparation en moins, ça ne va pas handicaper certains élèves ? Je ne crois pas. Je crois que les enseignants n'ont pas attendu la mi-juin pour préparer leurs élèves à la grande épreuve du CEB. Interview de Stéphanie Vendrecq donc sur cette grève demain et mercredi dans les écoles du réseau officiel dans la région de Mons. Les cas de maltraitance d'enfants ne sont pas suffisamment signalés en Belgique. C'est la conclusion d'une étude menée par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. 13 000 cas de maltraitance enregistrés en 2014. Selon le centre, ce nombre pourrait être bien plus important si les cas étaient mieux détectés par les médecins. On voit cela avec Justine Hermans. Qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, les maltraitances sont compliquées à détecter chez l'enfant. Un examen médical ne suffit pas toujours et la relation de confiance prend du temps à s'installer. Bernard Candy, chef du service de pédiatrie au CHR de Mons. Avec beaucoup d'expérience, on peut pressentir effectivement qu'il existe un problème 100% en être sûr, mais il faut être à l'écoute et pouvoir donner l'occasion à la patiente, même jeune enfant, de pouvoir exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Si le médecin se sent sûr de lui, une procédure judiciaire existe. C'est le procureur du roi qui prend la responsabilité ou non de déléguer une personne habilitée pour confirmer la réalité ou non d'un abus sexuel, notamment, ou d'une maltraitance. Mais les médecins ne signalent pas toujours les cas de maltraitance par peur de se tromper ou de s'engager dans une procédure judiciaire. L'association SOS Enfants, par exemple, peut prendre le relais. Bernard Parmentier. Le travail, justement, entre autres, des équipes SOS Enfants est un travail curatif, mais qui se veut aussi, et c'est très important aussi, préventif. Selon le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, les services spécialisés comme SOS Enfants doivent obtenir plus de moyens pour mieux détecter les cas de maltraitance. Ouais, c'était un reportage de Justine Hermans. Merci Marianne pour ce journal. Il est 18h09, on part sur les routes tout de suite. C'est le point RTBF Mobile Info et la pluie pose problème en province de Hainaut, David Godefroy. Oui, effectivement, plusieurs accidents se sont produits, notamment cet accident impliquant plusieurs véhicules sur la Nationale 5 Charleroi-Couvin, hauteur d'Yves Gomzé. Le passage est difficile vers Couvin. Cette chaussée inondée, à vous rappeler, sur la Nationale 98 Mété-Ligny. Entre Mété et Fosse-la-Ville, la chaussée est d'ailleurs fermée sur 8 km. De gros embarras de circulation sont signalés dans le secteur. Chaussée fermée d'ailleurs dans les deux sens de circulation. Sur le Ring 3 de Charleroi, ça coince entre Loverval et Châtelineau. Vous perdez encore une vingtaine de minutes en direction de Gouy. Sur le 411 Namur-Luxembourg, ralentissement entre Corroy-le-Grand et Gueuzé. Trafic donc en accordéon sur 12 km. Suite à un chantier, vous perdez là une vingtaine de minutes en direction du Luxembourg. Un accident s'est produit dans l'échangeur du carrefour Léonard, dans la bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à l'E411 en direction de Namur. Conséquence, des ralentissements en amont sur ce ring de Bruxelles, Zaventem, carrefour Léonard. Comptez une vingtaine de minutes supplémentaires, mais le tronçon le plus ralenti, c'est en circulation extérieure. Zaventem, Grand Bigard, ajoutez 30 minutes à votre trajet. Une quinzaine de minutes maximum perdues donc sur les autres tronçons. Et puis dans Bruxelles, un automobiliste nous signale un véhicule en panne à hauteur du tunnel botanique. La bande de droite est encombrée. La circulation ralentit vers la basilique. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Crefel. Les gars, à la mi-temps, je vais chez Crefel. Hein. Mais sur crefel.be, ouvert 24 heures sur 24, livré le lendemain. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Jérôme Elgars. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril. Les Diables Rouges sont en congé aujourd'hui. Et oui Cyril, ils y ont droit aussi au lendemain du dernier match amical contre la Norvège. Marc Wilmots a laissé quartier libre à ses joueurs. 24 heures de répit pour passer du temps en famille avant le départ demain pour Bordeaux. Soit le vrai début de cet Euro. La victoire de justesse face à la Norvège a fait du bien au groupe car dans l'ensemble, après ces trois matchs amicaux, le jeu des Diables ne semble pas encore tout à fait au point. Marc Wilmots a bien tenté de rassurer la nation, notamment après le partage contre la Finlande. Mais au-delà des discours convenus, les Diables semblent avoir perdu un peu de crédit avant cet Euro, surtout auprès de la presse étrangère. Explication avec Eric Libois. Fin de ce match, et donc pas mal de points d'interrogation avant d'entamer. Pour la presse étrangère aussi, Belgique-Norvège a fait mal aux yeux. Un jeu sans idée, dit la Gazzetta dello Sport. Des favoris de l'Euro qui ne le sont plus, dit Kicker en Allemagne. Et puis, il y a le contraste entre la richesse offensive et les bourdes derrière, souligne le Daily Mail anglais et le français L'Équipe, pour qui Joël Dominighetti suit les Diables Rouges. C'est inquiétant, car l'équipe de Belgique a au moins encaissé un but lors de 10 des 11 derniers matchs. Et une équipe qui va loin dans les championnats d'Europe ou Coupe du Monde est quasiment tout le temps une équipe qui a un très fort potentiel défensif. En revanche, sur le plan offensif, je pense que cette équipe est toujours l'une des meilleures au monde. D'ici l'Italie, le 13 juin, Wilmots n'a plus que 6 jours et pas de match pour retrouver une défense. Il aurait été préférable de mettre la défense centrale de Tottenham immédiatement dans l'axe pour avoir au moins 2 matchs de préparation. Là, il n'y en a eu qu'un seul. Les joueurs doivent être utilisés en sélection comme ils le sont en club. Les 2 matchs de Simon, quand il est monté au jeu, ont été extrêmement intéressants. Manque de leadership et de communication sur le terrain. À l'étranger aussi, le débat dérive sur les qualités tactiques de Wilmots. Il y a effectivement un manque d'homogénéité tactique dans le pressing et un problème de coordination. Quand cette équipe fait plus d'efforts rapidement avec ses qualités techniques, c'est une équipe la plus forte d'Europe, moins forte que l'Allemagne et l'Espagne, mais c'est du niveau de l'équipe de France. Si cette équipe a les ressources athlétiques, elle peut colmater une partie de ses carences tactiques qui sont malheureusement le pendant de cette volonté de jouer mieux, alors qu'il y a presque 2 ans, l'équipe de Belgique était essentiellement une équipe de contre. Voilà pour l'analyse du jeu belge par le journaliste français Joël Dominighetti. Et avant de rejoindre Bordeaux demain, les Diables seront attentifs au dernier match amical de l'Italie. La Squadra joue ce soir contre la Finlande. Et puis Jérôme, il y a pas mal de petits jeux statistiques avant cet Euro. Oui, chacun y va de sa petite étude. Et aujourd'hui, on épingle celle de la banque américaine Goldman Sachs. Elle a croisé un paquet de données pour prédire le futur vainqueur de ce championnat d'Europe. D'après leur modèle statistique, la France a le plus de chances de l'emporter, à 23% de probabilité. Le calcul est basé sur les résultats passés, les nombres de buts marqués et encaissés récemment. La Belgique arrive plus loin derrière, à la 6e place, avec seulement 5,7% de chances. Mais pour rassurer le supporter belge, il y a 2 ans au Mondial, Goldman Sachs avait prédit la nette victoire du Brésil. Le Brésil finalement écrasé 1-7 par l'Allemagne en demi-finale. Ouais, ça va, on a peut-être nos chances quand même. L'actualité des Diables Rouges a peut-être occulté une performance pourtant impressionnante. On va parler de tennis et la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros. Le Serbe a décroché le seul grand chelem qui manquait à son palmarès, un palmarès qui se rapproche tout doucement de ceux de Federer et Nadal. Le tennis moderne est en fait assez dingue, puisqu'on a 3 des plus grands joueurs de l'histoire qui jouent à la même époque. Une rivalité au sommet qui nourrit Novak Djokovic. Je l'ai déjà dit 1 million de fois et je vais encore le répéter, Federer, Nadal et même Murray sont de grands combattants et de grands rivaux qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Cette rivalité est essentielle pour le sport. Federer et Nadal dominaient le tennis quand Andy et moi on est arrivés. Au début, je n'étais pas content du tout de jouer à la même époque qu'eux, mais après je me suis dit que dans la vie, tout se passe pour une raison. Et si je suis arrivé à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison. C'était à moi de comprendre, d'apprendre et d'évoluer. Je me suis rendu compte que je devais être plus fort pour rivaliser avec eux. Je devais accepter de devoir me battre contre ces 2 champions. Et dès que j'ai assimilé cela, j'ai commencé à monter en puissance. Interview Christine Anquet. Et puis le lundi, les joueurs de tennis consultent le nouveau classement. David Goffin regarde un peu plus haut. Il gagne 2 places. Il est 11e et aux portes du top 10. Dégringolade par contre pour Alison Van Oudvang. Elle paye son forfait à Roland-Garros et passe de la 73e à la 132e place. Coup de frais sur le basket belge. Les Belgian Lions préparent les qualifications à l'Euro 2017. Et tout ça avec un nouveau logo et un nouveau manager sportif. Un personnage du basket belge assez connu, Jacques Stas. Eddy Castels reste lui le coach. Ensemble, ils tenteront de qualifier la Belgique pour un 4e euro consécutif. Les précisions avec Pierre Capard. C'est officiel depuis ce lundi. Jacques Stas occupe désormais la fonction de manager sportif des Belgian Lions. Après avoir exercé durant 11 ans la fonction d'assistant coach, l'ex-icône des Spirou de Charleroi succède à Jacques Le Dur avec des ambitions bien affirmées. Il y a une qualification qui reste un must pour 2017 au niveau d'un championnat d'Europe. Et puis il y a en point de mire un rêve d'avoir une qualification pour un championnat du monde qui pourrait éventuellement être qualificatif pour les Jeux Olympiques. Jamais on a fait toujours que regarder de loin en disant c'est pas possible. Mais quand on en arrive à vouloir se qualifier pour la 4e fois à un championnat d'Europe consécutivement, on doit viser un pas supplémentaire. Et pour atteindre ses objectifs, le coach Eddy Castels, qui entame sa 12e saison à la tête des Lions, pourra compter sur une équipe talentueuse et volontaire à l'image des Van Rossum, Hervel et autres Serron, des joueurs qui incarnent parfaitement les valeurs véhiculées par notre équipe nationale. Ensemble, tu peux battre n'importe qui, la fierté, l'identité, et ça doit rester comme ça. C'est ça la Belgique. L'équipe nationale de basket entend poursuivre sa belle progression en essayant d'imiter pour pourquoi pas les Diables Rouges. Stéphane Garaleas, secrétaire général des Belgian Lions. C'est un exemple. Et pas par pas, avec beaucoup de patience, ils ont développé une image dans tous les sens du mot qui leur apporte aussi des résultats extrasportifs. Et c'est ça un peu, en effet, l'exemple. Les qualifications pour l'Euro 2017 de basket se disputeront début septembre. Les Lions joueront contre la Suisse, l'Islande et Chypre, un groupe abordable. Et puis on referme ce journal avec du cyclisme. Victoire de Nasser Bouhanni sur la première étape du Dauphiné. Le Belge Jens De Buchereux est deuxième. Le sprint final était très nerveux avec plusieurs coups de tête entre des coureurs Cofidis et Katusha. Sur la ligne, Bouhanni, passionné de boxe, a rendu hommage à Mohamed Ali. Alberto Contador conserve la tête du général. Merci beaucoup Jérôme pour ce journal des sports. Il est 18h18. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Est-ce que vous aimez les sensations fortes dans les parcs d'attractions? Si je vous pose la question, c'est que ce week-end, il y avait l'inauguration d'une nouvelle attraction au Walibi. Ça s'appelle Pulsar, c'est une première mondiale. On va en parler tout à l'heure. Si vous cherchez des bons plans pour l'été, peut-être que le test de cette nouvelle attraction, c'est un truc pour vous. On en parle dans un instant. Est-ce la fin des crédits hypothécaires avec un taux fixe? Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans l'actualité. C'était ce matin dans C'est vous qui le dites. Mais au final, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que toutes les banques vont arrêter le taux fixe? Est-ce que tout le monde va devoir payer sa maison, son appartement avec un taux variable? La réponse dans un instant sur Vivacité. Et puis la fête des pères qui arrive ce week-end. Si vous n'avez pas d'idée cadeau, si vous voulez vous-même vous faire un cadeau, ou bien même si vous n'êtes pas papa et bien que vous avez envie d'un nouveau smartphone, et bien écoutez bien ce qui arrive. Vous allez repartir avant 19h et je vous le promets avec le nouveau Samsung Galaxy S7 Edge. Alors pour le décrire, je pourrais prendre des heures parce qu'il a 12 000 fonctions, mais en quelques mots, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Ça coûte 800 €, c'est le meilleur appareil photo qui est intégré dans un téléphone et ça fait toutes les fonctions d'un téléphone. Il y a l'Android, le Google Play Store à l'intérieur, c'est Android qui est derrière et vous allez avoir le téléphone qui est le top du top en ce moment. Si vous voulez gagner ce téléphone, vous m'envoyez un SMS maintenant, vous m'envoyez simplement papa au 6003. Vous pouvez jouer pour votre papa, vous êtes vous-même papa, vous pouvez jouer. Et puis sinon, évidemment, faites-vous plaisir. Donc papa par SMS au 6003, c'est 75 centimes le message et c'est promis. Avant 19h, quelqu'un repart avec le Samsung Galaxy S7 Edge d'une valeur de 800 €. Bonjour, je suis Donald Meul. Depuis 35 ans, chaque cuisine de vie est conçue comme je le ferais pour moi. Donc, je choisis toujours la meilleure qualité. Par exemple, pour la finition de nos armoires, je n'utilise pas de mélamine, mais bien du stratifié très solide. Avec Dovi, vous choisissez une cuisine belge sur mesure et pour le meilleur prix. Maintenant, chez Dovi à Wan, lave-vaisselle gratuit et 50% de réduction sur la taque à induction. Plus d'infos sur dovi.be. Cuisine Dovi. Nous créons votre cuisine. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. Observation numéro 3. Papa, il va sauver la planète. Pour la fête des pères, je t'offre un cadeau durable. Une valise. Quel rapport avec le développement durable? Papa, il faut déménager dans une maison thermo-efficace. Comme ça, on fera des économies d'énergie et j'aurai mon nouveau vélo. Dis, c'était pas ma fête à la base, là? Découvrez nos nouveaux appartements dans l'éco-quartier de Visée les week-ends des 4 et 5 et des 11 et 12 juin. Info sur groupehorizon.be. Horizon Group. Investir les lignes du futur. Comment fonctionne la justice belge? Qui s'occupe de quoi et à quel prix? La magistrature attire-t-elle encore les jeunes? Quelles sont les conditions de détention en prison? Témoignages, reportages, portraits et bien plus encore. Retrouvez toutes les réponses à ces questions du 4 au 9 juin exclusivement dans La Libre. La Libre, faisons vivre l'info. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elles glissent sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269 € par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez-le lors du week-end de lancement, les 11 et 12 juin. Offre de location full service sont mises à condition réservées aux particuliers. 5 à 7. jusqu'à 19h sur Vivacité. 18h22, dans un instant, le Dico Food avec Candice Cotter. Et puis on revient sur cette actualité. Aujourd'hui, tout le monde en a parlé, c'est ces fameux crédits hypothécaires. Va-t-on vers la fin des taux fixes? C'est une question qui a été posée aujourd'hui, puisque un groupe de spécialistes s'est réuni en Suisse et a dit, c'est le fameux comité de Bâle qui a dit que ce serait pas mal que les banques abandonnent petit à petit le taux fixe pour passer au taux variable pour les crédits hypothécaires. Alors, on va tenter d'y voir un peu plus clair avec Philippe Ledan. Vous êtes économiste. Bonsoir. Bonsoir. Philippe, on part du principe qu'on n'y comprend rien à l'économie, qu'on ne sait pas pourquoi il y a ces taux fixes, ces taux variables, tout ça. Le défi pour vous, c'est en quoi? En une minute peut-être, de nous expliquer cette histoire, qu'on comprenne en rentrant à la maison, qu'on sache de quoi il s'agit finalement. Donc, pour faire très simple, beaucoup de monde en Belgique a un crédit hypothécaire. Ces crédits hypothécaires peuvent être réalisés à taux fixe. Donc, je paye un même taux pour la durée de mon prêt, 10, 15, 20 ans, ou bien je paye un taux variable, ça veut dire qu'en fonction des taux de marché, la mensualité que je vais payer, donc le taux sur lequel va être appliqué mon prêt, va évoluer dans le temps. Alors, on comprend bien évidemment que pour celui qui prend le crédit hypothécaire, être à taux fixe, ça offre une certaine sécurité, puisque ça veut dire que je sais depuis le premier jour la mensualité que je vais payer jusqu'au dernier jour. Ouais. Être à taux variable, ça entraîne, encadré en Belgique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, mais encadré en Belgique, mais ça entraîne que la mensualité va varier au cours du temps, et 20 ans, c'est long, donc ça veut dire que ça peut varier de beaucoup éventuellement. Est-ce qu'on peut aussi avoir l'allongement du crédit, ou ça c'est encore autre chose ? Non, ça c'est tout à fait autre chose, puisque là on est en train de parler de la durée du crédit, qui peut être éventuellement révisée en cours de crédit, mais là on est en train de parler du nombre d'années sur lequel va porter le crédit. Ici, la question qui est posée, ou la recommandation, la pseudo-recommandation lancée par les experts du comité de Bâle, ne concerne que... C'est sur la mensualité, donc. Le taux qui est appliqué sur le crédit. Et si ce fameux comité de Bâle l'a dit, ça va être appliqué d'office ? Alors non, il faut savoir que c'est un comité consultatif, donc qui donne des recommandations. Ces recommandations ne visent pas spécifiquement la Belgique. Le comité de Bâle, c'est 27 régulateurs du secteur financier, donc ce n'est pas le secteur financier, c'est le régulateur du secteur financier. Donc vous avez des banquiers centraux, vous avez des régulateurs spécifiques, et ils donnent des recommandations. Ils en ont donné toute une série après la crise financière. Ici, apparemment, ils ont mandaté un groupe d'experts pour dire, si vous devriez donner des recommandations, qu'est-ce que vous donneriez ? Bon, il y a différentes recommandations qui sont données pour l'ensemble des pays. Ce n'est pas obligatoire de suivre. Et puis je pense tout simplement que ce débat doit encore faire beaucoup son chemin, qu'il faut écouter les acteurs, donc ceux qui prennent les crédits et ceux qui les donnent. Et puis, au final, il y aura peut-être des recommandations, mais je pense qu'il ne faut pas non plus dire d'office, parce qu'il y a eu ce rapport, on va vers la fin des taux fixes. Je pense qu'en Belgique, un tel séisme, parce qu'en Belgique, on est assez friand des taux fixes, tout simplement parce que le Belge aime bien la sécurité, donc ce serait quand même aussi un séisme sur le marché immobilier en Belgique, et qui peut aussi alors comporter des risques, en ce compris pour le secteur financier. Donc a priori, pas d'intérêt à mettre ça en place chez nous. Exactement. Le régulateur qui veut plus de sécurité, il dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment les taux sont tellement bas, ce que le régulateur dit, quand vous faites des crédits à 20 ans à des taux fixes aussi bas, finalement, vous, institution financière, vous prenez trop de risques. Et donc, il vaudrait mieux que le taux soit variable. Mais d'un autre côté, si vous déstabilisez le marché immobilier, vous créez également des risques. Donc, il faut quand même... ce débat doit encore avancer. Mais c'est pas pour tout de suite. Et c'est pas pour tout de suite. Ça ne vise pas spécifiquement la Belgique. Donc, ça veut dire que le régulateur en Belgique pourrait très bien dire, on a compris les recommandations du groupe d'experts. Mais en Belgique, il s'avère que la situation est différente. Et d'accord, nous considérons que ça ne comporte, on n'a pas les mêmes risques. Merci beaucoup Philippe Ledan pour vos précisions. J'ai l'impression qu'on rentre à la maison avec une idée bien plus claire de ce qu'est cette histoire. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. À vous aussi, au revoir. Au revoir, au revoir. Voici le Dicofood tout de suite avec Candice Cotter. Dicofood, le Dicofood du 5 à 7. Bonjour Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Le Dicofood va s'arrêter ce soir à la lettre C. On va faire des croquettes. On n'a pas fait ça depuis un bon moment. Et on va se faire des croquettes un peu spéciales, vous allez voir. On va se faire des croquettes de brocoli en croûte de sésame. Donc ça vous fait une croquette qui, au final, n'en est pas vraiment une. Vous avez cette garniture moelleuse comme une croquette traditionnelle, donc c'est ça qui est bon. Mais en même temps, la panure extérieure est une croûte beaucoup plus craquante à base de graines de sésame. Donc vous avez vraiment le meilleur de tous les mondes. C'est une croquette qui peut être un accompagnement de viande ou de poisson formidable. Mais ça peut être aussi un apéro à tremper simplement dans un petit dipo yaourt, tout simple, un peu de persil plat là-dedans, jus de citron, sel, poivre, et on est bon. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc, c'est quelque chose qui est à garder sous le coude parce que très, très polyvalent. 400 g de pommes de terre, prenez des binches, prenez une pomme de terre farineuse, épluchez, coupez en deux. 150 g de brocoli, c'est ce qu'il vous faut. Détaillez-le déjà en petites fleurettes, comme ça, vous avez quelque chose qui cuit plus vite. Un jaune d'œuf, 40 g de cheddar râpé, c'est important de prendre du cheddar. Ne troquez pas ça contre du gruyère, ne troquez pas ça contre un quelconque autre fromage. Le cheddar a vraiment une puissance, un moelleux et surtout une onctuosité qu'aucun autre fromage n'aura. Là-dedans, sur le brocoli, c'est le fromage qu'il vous faut. Et maintenant, du cheddar, on en trouve dans la grande majorité des supermarchés. Donc vraiment, pas s'ennuyer avec ça. C'est ce qu'il vous faut, 40 grammes. 60 grammes de chapelure, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une garniture de croquettes qui se tient un petit peu plus. Et pour la panure, un peu de farine, des œufs battus et 100 g de graines de sésame. Vous faites cuire vos pommes de terre à l'eau bouillante, 20 minutes. Vous les égouttez, vous les écrasez. Un bon truc pour que vos croquettes ne détrempent pas, une fois que vous avez votre croquette, votre pomme de terre écrasée, vous la remettez dans la casserole une petite minute, donc cette purée grossière, nature, vous la remettez dans la casserole que vous venez d'utiliser vide et vous asséchez simplement pendant une petite minute ou deux, comme vous le feriez pour une pâte à choux, cette purée de pommes de terre pour que l'humidité dans votre croquette soit la plus minime possible et que vous n'ayez pas une croquette qui explose en cuisson, c'est souvent le cas. Donc ça, c'est un tout bon truc. Pendant ce temps-là, parallèlement, vous faites cuire vos morceaux de brocoli, 6-7 minutes à l'eau bouillante. Vous égouttez, vous séchez bien vos légumes. Vous utilisez de l'essuie-tout. L'ennemi numéro un de la croquette, c'est l'humidité. Donc vous séchez bien les légumes. Vous les coupez finement, ces petites fleurettes, et vous les ajoutez à votre purée grossière avant d'ajouter les autres ingrédients, donc votre jaune d'œuf, le cheddar, la chapelure. Vous mélangez. Vous divisez votre préparation en 12 petites boulettes égales. Vous façonnez chaque boulette en forme de croquette et vous les mettez 10 minutes au congélateur. Juste le temps de simplement préparer votre croûte, vous prenez 3 grands bols, vous placez la farine dans le premier, 2 œufs battus dans le deuxième, les graines de sésame dans le troisième. Reste à sortir les croquettes du congélo et les passer au fur et à mesure dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans les graines de sésame. Reste à faire cuire 5 minutes dans une sauteuse. Un bon fond d'huile d'arachide ou une végétale neutre, arachide, tournesol, pépins de raisin, ce que vous avez à la maison. Bien, bien chaude, ça c'est important, on veut que ça puisse frire. Et vous mettez ça dans l'huile bien chaude et vous allez avoir des croquettes topissime. Ah oui, toujours bien chaude l'huile, c'est très important. Il est 18h30 et ça, vous le retrouvez, toutes les recettes, hein, bien sûr, sur vivacité.be. Il est 18h30. Les titres de l'actualité avec Natacha Stragier. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. On vous parlera des violents orages. La région verviétoise a été fortement touchée. Le centre de Dizon est inondé. La zone de police demandait même aux habitants concernés par la montée des eaux de ne pas quitter leur domicile et de ne pas circuler en voiture. À Charleroi, plusieurs routes, dont le tunnel du R3, se sont retrouvées sous eau à Couillet. Les pompiers sont débordés à Mons aussi. Un arbre est tombé sur la chaussée à Roux. À Durbuy, le centre a un temps été inondé. Et puis à Welkenrath, une personne est signalée disparue. Elle aurait été emportée par une rivière en crue. On en saura plus à 19h. Le roi s'est rendu cet après-midi à Saint-Georges-sur-Meuse sur les lieux de la collision ferroviaire. 3 personnes ont été tuées et 10 hospitalisées. Le roi a d'abord rencontré les secouristes dans la maison communale d'Amet où un centre de crise avait été installé. Une vingtaine de pompiers, policiers et services de secours étaient présents. Il s'est ensuite rendu sur les lieux de l'accident avec les bourgmestres, le premier ministre et les patrons de la SNCB notamment. Sur place, une grue vient d'arriver. Les travaux pour enlever les wagons qui avaient déraillé vont donc pouvoir commencer. On fera le point dans le journal à 19h. Merci Natacha. À tout à l'heure, 19h. La météo, ça dit quoi pour les prochaines heures et demain? La réponse, Dominique. Et ça dit des averses orageuses encore la nuit prochaine, de manière localisée, évidemment, minima 12 à 16 degrés demain. Un peu le même scénario qu'aujourd'hui, des températures entre 20 et 27 degrés, et puis cette sensation de temps lourd et des des forts orages qui sont à nouveau à craindre à partir de mercredi. Ceci dit, la masse d'air va bouger un petit peu, il fera plus frais et les averses vont quitter le pays dans l'après-midi. Merci Dominique, on part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info avec David Godefroy. Et vous en parliez des soucis avec la pluie sur la Nationale 98, notamment Metelligny, entre Metz et Fos-la-Ville. La chaussée est fermée, chaussée inondée, donc de gros embarras de circulation dans les deux sens et des déviations sont mises en place. Un accident impliquant plusieurs véhicules s'est produit sur la Nationale 5 Charleroi-Couvin à hauteur d'Yves-Gomzé. Le passage est difficile en direction de Couvin. Accident impliquant un camion sur le 411 Luxembourg-Bruxelles à hauteur d'Arlon. 20 minutes perdues en direction de la capitale. Chaussée inondée sur la Nationale 67 Eupen-Welkenrad. Vous perdez une vingtaine de minutes entre Penn et Cologne. C'est en direction de Welkenrad. Accident dans l'échangeur du Carrefour Léonard dans la bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à le 411 vers Namur. Coup d'œil sur les temps de parcours sur ce ring de Bruxelles. Circulation extérieure, le tronçon le plus ralenti Zaventem Grand Bigard comptait une trentaine de minutes et maximum 15 minutes perdues sur les autres tronçons. Dans Bruxelles, un véhicule est en panne à hauteur du tunnel botanique. La bande droite est encombrée. La circulation est donc ralentie vers la basilique. Et puis on signale quelques ralentis sur le 40 Bruxelles-Gand entre Grand Bigard et Ternat suite à la pluie, encore une fois en direction de la mer. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. J'ai fait du shopping aujourd'hui. Ah, moi aussi, t'as acheté quoi? Un sac à main. Regarde. Joli. Oh oui, je l'avais vu depuis longtemps et enfin je l'ai acheté. Et toi? Moi aussi, j'ai fait une bonne affaire ce week-end. Ah bon? Regarde. Oh, une Mercedes. On va faire un petit tour. Attends, je prends mon sac. Jusque fin juin chez Mercedes-Benz, profitez de conditions exceptionnelles sur les voitures de stock. Disponibles immédiatement avec 4 ans de garantie. Rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedesoutlet.be. Offre sous conditions. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Qui va gagner? Ce sera une bataille endiablée ou un coup de poker. Avec un carré de roi, toutes les dames seront là. Et la foule aussi. Précipitez-vous. Cette semaine, un jeu de 52 cartes gratuit avec la DH, avec des noirs, des rouges et bien sûr, un peu de jaune. Cette semaine, un jeu de 52 cartes signé Pader, gratuit avec la DH. Connaissez-vous la boucherie? C'est l'endroit idéal pour trouver les meilleures viandes, des salaisons raffinées et des plats préparés de grande qualité. La boucherie, rue des Dominicains et Saint-Paul à Liège et en Mougny à Ouï, près de la Grand Place. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Covitain Construction vous invite à découvrir sa nouvelle réalisation ces 11 et 12 juin. Visitez nos appartements témoins situés au cœur de Warem, rue Rena Street 42. Plus d'infos, covitain.be. Les belles maisons, c'est Covitain Construction. 5 à 7, avec Cyril. Et on parle de ce qui fait l'actualité tous les soirs, entre 17h et 19h dans le 5 à 7. Dans un instant, nouvelle attraction à Walibi, ça s'appelle Pulsar, c'est une première mondiale. Il y avait la présentation ce week-end, des visiteurs du parc ont déjà pu la tester. On va en parler dans un instant et vous irez peut-être ressentir les sensations de Pulsar cet été. On en reparle dans quelques secondes. Mais avant, revenons sur un projet de texte qui a été déposé par Écolo et qui encadre la colocation. Puisqu'aujourd'hui, la colocation n'existe pas juridiquement. C'est ce que nous apprend l'avenir aujourd'hui. Alors il y a un projet de texte pour encadrer tout ça, pour qu'il y ait des bails qui soient adaptés à la colocation, des droits sociaux, des pactes. Tout ça va être débattu. On va en parler avec José Garcia, vous êtes président du syndicat des locataires. Bonsoir. Bonsoir, secrétaire général. Secrétaire général, mais c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr. C'est déjà très bien. José Garcia, aujourd'hui, la colocation n'existe pas. C'est ce que nous dit l'avenir en disant juridiquement. Ça veut dire que les gens qui vivent en colocation, c'est illégal? Non, non, ce n'est pas illégal, mais c'est vrai que le statut en tant que tel n'existant pas, on donnait à une situation de fait, un nom, mais qui n'avait pas de conséquences, je dirais, directement, juridiquement, sur les personnes concernées. Et ici, ce que le député veut effectivement faire, c'est de reconnaître quelque part cette réalité, en donnant évidemment à chacun des colocataires des droits et des devoirs. Et donc, sur ce point-là, nous sommes totalement réjouis, nous nous réjouissons de cette avancée. Maintenant, il y a effectivement encore beaucoup de choses à améliorer, et notamment tout ce qui dépend du fédéral, puisque vous savez que certains principes dépendent encore du fédéral. Mmh. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être colocataire, les propriétaires sont réticents parce que c'est pas encadré, justement ? C'est-à-dire, oui, il y a parfois, de temps en temps, il y a des réticences, mais ce qui pose le plus problème, ce n'est pas tellement chez les bailleurs, c'est surtout chez les colocataires. Et beaucoup de fois, il y a malheureusement il peut y avoir des disputes ou des problèmes sociaux qui peuvent surgir entre les colocataires, et c'est là que tout ça se complique. Et encore une fois, ce que cette loi met en évidence, c'est qu'il faut, et nous l'avions à l'époque demandé, donc ça aussi, on est très content. Il faut aujourd'hui et dorénavant, si cette réglementation évidemment est votée au Parlement, eh bien il faudra qu'il y ait un pacte de colocation. Et un pacte de colocation, c'est très simple à comprendre, ce sont des engagements mutuels que chaque colocataire fait en prévoyant tel et tel problème qui peuvent surgir par la suite, et comme ça, chacun, au moment où il rentre en colocation, c'est ce qui va arriver si jamais, effectivement, il y a des problèmes. C'est ça, donc une dispute qui explose, qui éclate entre des colocataires ne permettra pas peut-être de partir sur un coup de tête et d'abandonner tout le monde, ce qui aujourd'hui est plus facile à faire. Absolument, c'est ça, c'est bien ce qui, et c'est très important parce que, encore une fois, si on s'engage à 10 et qu'il n'y a plus que 5 qui payent le loyer, c'est compliqué. Vous comprenez que pour ceux qui restent, c'est pas évident. Donc il faut encadrer cela, mais encore une fois, ce n'est pas uniquement favorable aux colocataires. Le bailleur aussi a un intérêt à bien savoir quelles sont les personnes qui cohabitent dans son bien, ne fût-ce que pour pouvoir éventuellement, en cas de conflit, se retourner contre telle ou telle personne plutôt que d'autres qui n'habiteraient plus là, par exemple. Aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe? Si un bailleur a un problème avec des locataires, il se retourne vers des gens qui ne sont effectivement alors plus sur place et qui finalement n'ont plus rien à faire, ne vont même pas réagir? En gros, il y a trois possibilités. Disons que soit l'ensemble des colocataires est inscrit dans le bail, donc chacun alors est responsable. Ce qui est en tout rarement cas, le cas. C'est rare, c'est plutôt rare, mais il y a des bailleurs qui ont déjà compris les dangers que cela pouvait représenter et ont donc prévu cela, voire même des locataires ont pu prévoir cette astuce pour dire voilà, ok, on s'engage, mais il n'y a pas que nous, c'est un engagement également vis-à-vis d'un tiers. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas effectivement courant. Mmh. Et puis il y a l'engagement d'une seule personne qui, effectivement, est aux yeux du bailleur le seul et l'unique responsable du bien, ce qui, je répète, peut avoir également des très grands désavantages, non seulement pour les autres, mais également pour la personne qui souscrit ce bail. Et enfin, entre les deux, il y a toute une série d'autres possibilités, mais c'est vrai que ce qui me semble important dans cette nouvelle réglementation, c'est que le pacte, donc l'accord, doit se faire avant l'entrée en vigueur du bail, et ça, je pense vraiment que c'est un pas en avant. Le seul hic, je répète, c'est que le législateur ici, le député, a voulu également empêcher que certaines situations sociales, je pense notamment à des locataires qui auraient des allocations de chômage ou des pensions, ne soient pas pénalisées par ce type de, je dirais, de vie en commun. Mais là, évidemment, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, seul le législateur fédéral est compétent pour cette matière et je ne suis pas sûr qu'on puisse, au niveau uniquement régional, régler ça. Évidemment, le fait qu'il y a une nouvelle loi pourrait inciter le législateur fédéral à faire lui-même un pas dans ce sens. D'accord. Ben, merci beaucoup, José Garcia, pour ces précisions. On y voit un petit peu plus clair dans cette histoire et on suivra ce dossier. Merci et très bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Il est 18h42, je vous rappelle que dans moins de 20 minutes maintenant, l'un d'entre vous, à l'occasion de la fête des pères, repartira avec un magnifique téléphone. Quand je dis magnifique, c'est même pas le mot qui va avec. On est au top du top, là. Vous repartez avec le Samsung Galaxy S7 Edge. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment, ça vaut 800€. Et vous allez l'avoir, là, ce téléphone. D'ici quelques jours, il arrive chez vous. Si vous jouez maintenant, si vous envoyez le code PAPA, P-A-P-A, c'est ce que vous m'envoyez au 6003. Vous êtes papa, voulez-vous faire un auto-cadeau? Vous pouvez jouer ou penser à votre papa, penser aux papas qui sont autour de vous. Toujours bien, papa à qui ça peut faire plaisir. 6003, vous envoyez P-A-P-A, c'est 75 centimes le message. Et dans 17 minutes maintenant, au plus tard, on sait qui gagne ce petit bijou. 5 à 7. Et comme tous les soirs depuis la semaine dernière, on célèbre l'immigration italienne, les 70 ans, avec un air d'Italie. Gelati, pizza, pasta et canzoni. Chanter, danser, respirer. Un'aria d'Italia. Sur un air d'Italie. Umberto Tozzi a 26 ans en 1978, année de la chanson Tu, toi. Il a commencé par accompagner à la guitare Marco, son frère, chanteur dans les bars de Turin. Mais petit à petit, le cadet va dépasser l'aîné et devenir l'une des principales voix de la chanson italienne des années 70-80. Pourtant, Umberto Tozzi n'a pas le look du Latin Lover, cheveux roux épais tombant sur la nuque, veste longue, pantalon large, mais son allure baba cool tranche et plaît. Et ses paroles d'amour aussi. Quand je suis près de toi, moi je me sens prête à tout. Serena n'est pas connue quand, en 2004, Umberto l'invite à chanter tout avec lui. La jeune Française qui chante dans la rue et dans des cabarets parisiens n'a jamais enregistré. Umberto Tozzi ne croit pas spécialement à ce duo franco-italien. Et pourtant, il aura du succès. Sur un air d'Italie. Alors, des duos, Umberto Tozzi en fera d'autres, avec un groupe autrichien. Nakan Kantet, c'est son nom, sillonne l'Autriche et l'Allemagne depuis 3 décennies avec ses chansons populaires en tête des hit parades. Également très prisés en Alsace, ils ont, en 2013, fêté leurs 30 ans à Markolsheim en présence d'Umberto Tozzi, avec qui ils ont entonné tout dans une version italo-allemande étonnante. Quanti anni mi dai, un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai, vista da vicino tu, sei più bella che mai, baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu. La recette de tout, une mélodie simple, quelques accords, des mots d'amour, la voix pop du plus blond des chanteurs italiens, avec son faux air de David Bowie. Et les fameux dan, dabadan, dabadan, dabadan, bam, bam, bam, bam, qu'on retrouve dans toutes les versions et qui s'adressent à toi. Tu, tu. Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai, è stata vicino tu, sei più bella che mai, baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò. Come se fosse una canzone canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io volando non c'è, dimmi che da un'ora tu hai bisogno di me, che ti ossigeno di più, dimmi che non sei tu un miraggio ma sei tu. Tipetam, tipetam, tipetam, pam pam. Voilà des paroles que tout le monde peut chanter, même si on ne parle pas italien. Un air d'Italie revient demain sur Vivacité, 18h48, une toute petite pause. Et puis dans un instant, on parle d'une attraction association, une première mondiale en Belgique. Et vous repartez avec votre Samsung Galaxy S7 Edge d'une valeur de 800€. Il vous reste quelques minutes pour vous inscrire. C'est à l'occasion de la fête des pères que je vous offre ça. Vous envoyez papa par SMS au 6003 pour 75 centimes le message. Et à vous, peut-être, le téléphone, le smartphone le plus performant du moment, d'une valeur de 800€. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. À découvrir aux établissements Constant, la toute nouvelle Fiat 124 Spider. Véritable icône de la Dolce Vita. La Fiat 124 Spider renaît 50 ans après. Venez admirer ses lignes élégantes et succomber à son charme lors de nos portes ouvertes des 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Vivacité, la province de Liège présente le premier Chinatown, un village entièrement consacré à l'Empire du Milieu, du 9 au 12 juin, place Saint-Lambert à Liège. Restauration et boissons chinoises, danse du dragon et du lion, démonstration d'arts martiaux, tout pour découvrir la Chine. Une manifestation proposée dans le cadre du 30e anniversaire de la charte d'amitié avec le Fujian. Le Spa Eurorace. Les 11 et 12 juin au circuit de Spa-Francorchamps. L'unique représentation du bel car à Francorchamps. Des courses internationales. Porsche, Ferrari, BMW et Aston Martin. 9 courses au programme. Un spectacle intense et gratuit. Infos et invitations sur racspa.be. Avec l'avenir et vivacité. Dès 19h, place à la musique, place au tip-top, la quotidienne. Il y avait le classement, nouveau classement samedi. Si vous l'avez raté, séance de rattrapage avec Philippe Jauniaux dès 19h. Ils sont de Hooverphonic. Hooverphonic et plein d'autres bonnes choses du moment. C'était à écouter dès 19h sur Viva. Jusqu'à 19h, 5 à 7. 18h50, on va aller à Wavre tout de suite, où il y a le parc d'attractions Walibi que vous connaissez certainement, et une nouvelle attraction, une première mondiale, que vous aurez l'occasion de tester dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y avait le lancement officiel ce week-end, et quelques visiteurs ont déjà eu l'occasion de tester Pulsar. Alors qu'est-ce que c'est que Pulsar? C'est énormément de sensations, c'est extraordinaire, et pour nous en parler, mais qui de mieux que la personne qui a inventé cette attraction? Philippe Dan, vous êtes ingénieur à la base de la construction de Pulsar. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors, j'ai eu la chance de tester Pulsar ce week-end, et je peux vous dire, vous êtes un grand malade. Ah bah si... écoutez, oui. Si vous avez inventé ça, vous êtes un fou. Mais en fait, c'est une invention, c'est une création qui s'est faite avec le concepteur d'attraction Mac. Et donc, c'est un projet qui a vu jour il y a à peu près 2 ans et demi, où le principe était d'associer pour la première fois au monde une attraction aquatique avec des moteurs électriques. Ce qui permet de conférer au bateau de l'accélération et donc de la vitesse, et donc de lui permettre d'avoir de la hauteur et de, en finale, procurer le splash que vous avez testé ce week-end. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer cette attraction? Racontez-nous le parcours du visiteur dans cette attraction. Alors, le visiteur monte à bord d'un bateau de 20 places qui pèse quand même 10 tonnes. Et puis, le bateau est accéléré une première fois vers l'arrière, ce qui lui permet d'atteindre la vitesse de 50 km/h et la moitié de la hauteur de la grande tour. Ouais. Et puis, le bateau refait un deuxième passage dans la section de lancement. Il atteint alors la hauteur de 40 mètres et une vitesse de 80 km/h. Et là, on est à la verticale, hein. et là on monte tout à fait à la verticale sur la petite flèche et puis on redescend à la verticale. Et pour le troisième passage au niveau de la zone d'accélération, là on atteint la vitesse de 100 km/h, et ce qui permet d'atteindre le sommet de la grande flèche. Et là, ce qui est prodigieux, c'est qu'on fait monter le niveau d'eau du bassin de freinage, et quand le bateau redescend, ben, il entre en contact avec l'eau et crée alors le magnifique splash qui est certainement le plus grand au monde à l'heure actuelle. Ah oui, c'est très impressionnant à voir, c'est très impressionnant à faire. Et alors, si vous avez l'occasion d'aller le tester, je vous le dis, les dernières places, vous prenez une douche et à l'avant, vous profitez vraiment. C'est des sensations différentes à chaque place pour avoir eu la chance de pouvoir le faire à différents endroits. Les premiers visiteurs qui l'ont testé, ils en ont pensé quoi ? Ah, ils sont tous ravis, émerveillés et enchantés par la succession des sensations. En fait, si on dénombre, il y a 13 sensations en 70 secondes, qui est la durée du parcours. Et on éprouve vraiment toutes sortes de sensations. Il y a les montées à la verticale, les chutes à la verticale, les accélérations. Il y a un petit airtime sur la bosse intermédiaire. Exactement. Et puis en finale, il y a la chute face à l'eau, où on se demande où on va atterrir. Eh bien, on atterrit effectivement dans le lac de Walibi, avec ce bateau qui entre en contact avec l'eau et qui provoque ce magnifique splash. Et donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme vous dites, on est mouillé devant et encore bien plus mouillé derrière. Oui, et puis tout c'est derrière. pour tous les âges également, puisqu'on se sent un peu comme dans un cocon au milieu du bateau. Et donc on n'a pas cette impression de vertige. Et donc c'est vraiment accessible pour tous, dès la taille de 1m20, l'âge de 8 ans, on peut y aller. Toute la famille peut y aller, c'est à découvrir dès maintenant, puisque ça y est, l'attraction est lancée. Merci beaucoup Philippe, et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Il est 18h54, voici le best-of des enfants de cœur. Les enfants de cœur. Les enfants de cœur. Renaud Patini. Quand on entend ce prénom et ce nom, c'est inévitablement par le prénom. On est tout de suite séduit. En effet, c'est le genre de prénom qui inspire la confiance, le charme, la modernité, le goût, l'amitié, la subtilité, la finesse, voire le raffinement. La modestie, exactement. Ce genre de prénom qui inspire le respect, fait taire les rires imbéciles, enchante les demoiselles et séduit les belles-mères. Renaud est un prénom ancien. Comme en France, dès le Moyen-Âge, illustré notamment par Renaud de Montauban, mais je ne t'apprends rien, voilà, ferme ta gueule. Alors, et ça vient des termes germaniques, je ne sais pas si tu le savais, monsieur Patini, Ragin, qui signifie conseil, et Waldgan, qui veut dire gouverner. Donc, on peut traduire Renaud par celui qui gouverne avec sagesse. C'est pas pourquoi ce n'est pas moi qui suis à la place de Jean-Jacques. Et ce grand insatisfait toujours en quête d'autre chose et d'ailleurs. Je ne vais d'ailleurs pas m'attarder ici. Renaud est remuant et fait rarement dans la demi-mesure. Son itinéraire sera susceptible de le conduire vers les sommets, comme vers des abîmes insondables. Ça, c'est pour ses champs. Tout le pousse vers les autres et vers la découverte. Renaud sera intéressé par les professions, le mettant en rapport avec le public. Je ne vois pas du tout pourquoi il fout de ça là. Il aime par-dessus convaincre, être entendu et apprécié. Merci pour cette spontanéité. Et oui, mes amis, que de Renaud célèbre, mais celui d'aujourd'hui, même s'il correspond tout à fait à ce que je viens de décrire, à ce qu'Internet décrit, il a en plus d'autres Renaud pleins de talent, celui du sens du spectacle, du rythme, et du blues, la preuve. Me treat mama, can you regle be? No, me treat mama, can you regle be? Bah, doua, bah, doua. If you don't get yourself the body, then you rose on me. Bah, doua, bah, doua. Ça va, c'est bien. C'est sympa, mais tout seul, c'est un peu ringard. En tout cas, je vous remercie de ce moment. Et je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est offerte pour vous poser une toute petite question, Monsieur Patini. Bap doua. Est-ce un cri d'espoir avec ses initiales BAPPOWA, qui veut dire « bon, à présent, debout, ouvrier, wallon » ou alors ce n'est peut-être qu'un cri perso au cas où vous manqueriez d'entrain et vous vous dites à vous-même, bon allez, Patini danse on the woogie. Et ça marche. Yes, sir. Merci, monsieur. Ken Boogie. Non, il disait Renaud, mais il y a aussi Patini, hein. Des pâtes, oui, mais des Patini. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Renaud Patini, notre invité, le portrait signé Renaud Ruten. Les enfants de cœur reviennent demain dans le 5 à 7 sur Vivacité. Dans quelques secondes, le tip-top avec Philippe Jeuniaux. Mais tout de suite, on va savoir qui repart avec le Samsung Galaxy S7 Edge d'une valeur de 800 euros. C'est parti, on compose le numéro de téléphone. Bonsoir Philippe. Tout. Allô, Cyril. C'est pour le Samsung. Il essaie de l'avoir. Et si ça décroche pas, je sais pas, je peux peut-être vous le donner. Ah, cinquième sonnerie. C'est dommage. Allô. Oui. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Sabrina. Sabrina, vous avez un papa autour de vous, un mari, quelque chose? Mon mari. J'ai votre mari qui est à côté de moi. C'est sa fête ce week-end? Oui. Et il gagne le Galaxy S7 Edge de chez Samsung. Voilà, bravo. C'est offert par le MediaMarkt Rue Neuve, c'est pour vous, c'est cadeau. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Sabrina. Au revoir. Ah bah, je termine bien, Philippe. C'est sûr, ça. Il y a pire, hein, pour finir une émission. Demain, même chose. Demain, même chose, on remet ça. Chose. Delta, juste après info, en visant la Lune. 8e dans le Tip Top, à tout de suite. Fan de foot et diablement gourmand, rendez-vous chez Point Chaud et devenez un vrai supporter. À l'achat d'un produit participant, recevez un billet à gratter et remportez les maillots officiels de l'équipe belge et vos accessoires pour soutenir nos diables. Ah, vous n'aimez pas le foot? Ah, personne n'est parfait, mais vous avez le droit d'être gourmand. Point Chaud, tant qu'il y aura du goût. Depuis des années, JC Car vous garantit un service VIP pour votre Land Rover. Dès le 1er juin, retrouvez la même qualité de service pour la réparation de votre Jaguar. Votre Land Rover et les réparations officielles Jaguar méritent le meilleur. JC Car à Wem. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Vivacité présente La Nuit des Cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Vivacité et la Une présente les Belgian Air Force Days. Les 25 et 26 juin, pour les 70 ans de la force aérienne, la deuxième Wing Tactique de Florennes vous ouvre ses portes. Patrouille acrobatique, avions d'hier et d'aujourd'hui, hélicoptères, expositions, animations. Info, belgianairforcedays.be. Avec l'avenir et Canal C. Il est 19h. Natacha Stragé, bonsoir. Les orages sont violents. Ils ont touché une grande partie du sud du pays. Mais à Walkenrath, de près de peine, on est sans nouvelles d'une octogénaire. Elle se trouvait avec un groupe d'autres personnes qui, elles, ont pu être secourues. Françoise Dubois a contacté le bourgmestre de la commune, Jean-Luc Nix. Dans un premier temps, étaient portées disparues 7 personnes. 6, heureusement, ont été retrouvées saines et sauves. Il reste évidemment personne qui est toujours portée disparue, de l'âge d'à peu près 80 ans. Cette dame a apparemment été tout près de sa maison et a voulu sortir de chez elle, c'est ce qu'on m'a dit, et elle s'est fait emmener par les eaux. Elle est tombée, elle s'est fait emmener par les eaux et on ne l'a jamais plus revue. Je pense que c'est un cours d'eau là qui est à Bayeux, qui est sorti de son lit. Dans le centre de la commune, on a beaucoup